Bienvenue à Radio Stube, deuxième émission de l'année. Première émission où nous allons analyser ce magnifique début de saison des Bleus. Une équipe étoffée, pas de blessés ce soir. C'est le Ludovic Ajorque de Radio Stube. Il ne peut pas quitter le club à tort. Bonjour, bonsoir. J'ai raté mon transfert à BFM Alsace. Ah, voilà. Bah, toujours là. Toujours là, ils ne feraient pas assez, je pense, à Radio Stube. C'est ça, ils n'ont pas réussi à s'aligner. C'est bien sûr. Il est de retour d'une longue blessure. qui est retour d'une longue blessure chez nous? On a un mec qui est revenu d'une longue blessure. Y a pas de c'est passé. Motiba. C'est le Motiba de Radio Stube, bien sûr. C'est Alex Co. Ah, salut, Gaspard, je vais remonter mon pantalon. Hein, Motiba. Voilà. Voilà. Plutôt mettre le salut t-shirt et puis je vais démarrer le groupe électrogène. Voilà, et bien sûr, Motiba, très important le groupe électrogène à venir pour les matchs en hiver. Ah, mais il n'y a plus de gasoil. Ah, mais attention, on sait se débrouiller dans est-ce que la célébration les townships de Bichuilla Co-Friendly ou pas. T'as pas vu les réserves sous la tribune nord, toi. Voilà. Alors, vous ne l'avez peut-être pas reconnu, c'est le Colin Dagba de Radio Stube. Il nous vient directement de Paris, mais pas en prêt, car il a signé à vie à Strasbourg. C'est Bouknon. Ouais, non. Alors Colin Dagba, je sais pas, parce que je suis pas blessé. Ah ben lui non plus, mais il sait plus que c'est droite et gauche. Non, mais bon. Bah, bonjour tout le monde. Bonsoir et puis. Et puis voilà. Voilà. Voilà quoi. Voilà. Et bien sûr, c'est le Jean-Luc Filzer de Radio Stube, la voix, l'homme des quiz, Calcio 90. Bonsoir, bonsoir. 1, 2, 3. Voilà. Je crois que l'équipe est, bien sûr, moi-même, puisque j'ai vu l'art qui n'est pas là pour me présenter, moi-même, Rachmaninoff, le Marc Keller, le grand timonier, celui qui tire les ficelles de la fédération, comme du Racing, vous avez bien vu. Il y a des ficelles assez sales en ce moment. Voilà, ouais. C'est ça, vous avez vu, Rose 3 qui a partagé cet article. Je pense que Rachma, là, est en train de voir les perfs d'Issan Sako. Je crois qu'on aurait dû garder encore un joueur. Encore un joueur. Effectivement, il nous aurait fait du bien en ce début de saison que nous allons survoler. Puisqu'il y a eu beaucoup de matchs, hein. 6 matchs, aucune victoire, hein, spoiler. Ouais. Le Racing a débuté à la Méno contre un Monaco qu'on ne savait pas à quel état de préparation il était, est-ce qu'il était prêt pour son match de Ligue des Champions, est-ce qu'il était omnibilé par son match de Ligue des Champions. Toujours est-il que nous on a perdu 2-1. Monaco était plus prêt que nous quand même, parce qu'ils avaient repris un peu avant nous. Enfin, justement prêt pour cette double confrontation qu'ils ont finalement perdu. Le Racing, lui, était en fait pas au point physiquement. T'as l'impression que les joueurs étaient fatigués, que il y avait des retards sur. On retrouvait plus les combinaisons de l'an dernier. Les réglages n'étaient pas au point. Alors qu'on avait une équipe avec pas encore trop de blessés non plus. Et c'était le début de saison encore. L'effectif était plus ou moins incomplet. Même s'il y avait des joueurs qui étaient un peu entre. Ouais, avec le flanc droit qui était dépourvu de joueurs. Il n'y avait que Dagba et Pierre Gabriel, mais il était rentré, enfin il jouait déjà. Pas Dagba mais Pierre Gabriel était là, mais il était en reprise, un truc. C'était déjà le deuxième match. C'est vrai que Pierre Gabriel, on dirait un peu Marester, hein, en fait. Pas d'insulte. C'est vrai. Grand joueur de l'épopée. Ouais. Champion de National et de Ligue 2, hein, c'est ça. Ouais. Deux saisons de titres. Deux saisons de titres. Il faut l'efficacité. Mais c'est vrai que de jeu de Marester, c'est un peu, c'est un peu ça. C'est genre, le, mais c'est pas quoi faire. Le vrai c'est latéral droit. Ouais, c'est pas quoi. Ouais. Mais il centre un peu mieux, je crois. Marester. Non, mais RPG, il a pas encore fait un centre, c'est bon. Ah, Pierre Gabriel, il a fait un centre qui a abouti à une occasion de je sais plus qui. Ah, c'est pas là où il y a la main, c'est pas lui qui fait le centre. Non, pas, il a plus joué défense axe. Enfin, ouais, la plus axe. On voit que. Je vais l'infirmerie surtout. Donc, un premier match. Mais c'est un match, on a essayé de se rassurer en se disant, bon, physiquement, c'est Monaco était plus au point, c'est normal. C'est machin. Monaco. C'est Monaco. Ouais, ils étaient plus frais. Bah, ils ont bouffé sur physiquement. Sauf que derrière. Ils ont fait un changement. Ben Yedder, déjà, démarre sur le banc. Bon, quand tu peux mettre Ben Yedder sur le banc, c'est que. Ouais. Leur remplaçant était plutôt bon. Enfin, il y a Crépin Diatta qui sort un peu nulle part. Il était blessé pendant assez longtemps. Il joue titulaire, il met une super volée, ça fait 2-0. Il y a Diop, maintenant qui est parti, qui était pas en dehors, synthé sous Clément. Pareil, il marque, il lui fait un bon match. Mais nous, on a Diallo qui marque aussi. On tire la langue, et puis quand les 5 rentrent, c'est encore pire. Parce que, Monaco fait les 5 changements, même. Ouais. Oui, parce qu'ils font tourner. Ouais. Mais, alors, on nous dit, bon. Après, moi, je sais pas, contre Monaco, il y a quand même un truc qui m'avait gêné, c'était au milieu, alors j'avais l'impression qu'on se faisait bouffer, mais aussi parce qu'on subissait beaucoup de fautes. Parce que j'ai un mec qui s'appelle Jean-Lucas, je sais plus. C'était incroyable que ce mec, ils étaient encore sur le terrain à mi-temps. Hein. Bah, c'est du vice. Bah, ouais, mais là, c'est du bon vice, quoi. Enfin, franchement. Ça tombe bien, il y a Super Dohu. Ah. Qui nous dit, sans deux décisions arbitrales plus que contestables, le hors-jeu contre Monaco et la main non sifflée contre Auxerre. Donc, spoiler. Pourquoi tu spoil? Le Racing serait après 6 journées, à la fois toujours à la recherche de sa première. Ne serait plus. Alors, c'est mal écrit, mais on s'en fout. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'arbitrage, ou est-ce que c'est parce qu'on est mauvais qu'on se focus sur l'arbitrage On se charge d'excuses, oui. Sachant que le hors-jeu, il y a hors-jeu. C'est joué au millimètre, mais vous avez voulu l'avoir, vous l'avez. Mais on la voulait pas, non? Non, on voulait pas. Donc personne n'aura du tout, je crois. Bah, mais parce qu'on est des puristes. Mais attends, il y a des mecs qui ont dit, Mais parce que du moment que même les mecs de la VAR, ils étaient pas d'accord, non? Enfin, oui. Moi, c'était la légende urbaine de... Mais c'est une des limites de la VAR qui était connue même avant. En HD, je crois, il y a 70 images secondes en HD. Ou c'est, C'est moins. Enfin, sinon, c'est 24 images secondes, une image... Ouais, mais tu es à 30 cm d'écart sur... Mais c'est ça, donc c'est un 24e de seconde, à quel moment tu arrêtes le truc? Parce que un joueur lancé, il fait... Tu vois pas la balle quand il fait plusieurs mètres. Mais ça se trouve, l'image de quand le ballon il part, ben, elle a pas été captée. Mais tout à fait. Mais est-ce que l'esprit... Donc, mais on va pas refaire le débat. Non, mais dans l'esprit, il devrait y avoir pute. Mais dans l'esprit... Mais comme il y a la VAR... Mais l'esprit n'existe pas. Non, comme il y a le TXC qui arbitre. Non, mais... Et qui va arbitrer comme une chèvre de nouveau. Alors qu'il arbitre en Ligue des Champions, j'ai vu ça cette semaine. Ouais, ça, c'est après, c'est toujours le, on se dit toujours les arbitres sont mauvais, bien sûr. Sont mauvais. Bah, les Allemands se disent les arbitres allemands sont mauvais, les Anglais se disent que les arbitres anglais sont mauvais. Non, mais. C'est partout pareil. Il y en a plein un qui est mauvais et l'autre qui est bon. Je pense que l'arbitre est mauvais, mais le Racing est mauvais aussi. Non, oui, mais je veux dire, les arbitres sont pas mauvais. Enfin, moi, ça me surprend toujours que 98% des spectateurs ne connaissent pas les règles, n'ont jamais lu les règles. Non, mais. Et on se permet de juger. Enfin, je sais pas, c'est comme si t'es boulanger, tu fais du bon pain, et t'as le client qui sait même pas faire cuire une pizza surgelée, qui te dit que c'est de la merde. Ah, mais ça c'est l'éternel débat. Mais t'as jamais bouffé du pain et tu t'es dit il est dégueulasse, et pourtant t'es pas boulanger. Si, mais. Oh, tu bosses pas sur les pas. Mais tu vas pas insulter ton boulanger pour ça. Si, tu changes de boulanger. Bien sûr. Ah, mais moi j'insulte pas l'arbitre. Mais on peut pas changer l'arbitre. 9 sur 10. Donc on revient quand même. Non, mais c'est un des problèmes de l'avoir. C'est-à-dire que du moment que tu autorises la VAR, tu es obligé de siffler hors jeu, même quand c'est contre l'esprit, même quand c'est 3 dixièmes de millimètre. Mais si les deux sont pas d'accord, il devrait pas avoir avantage à l'attaquant? C'est pas l'esprit du jeu? Non, parce que dans les deux qui sont à la VAR, il y a un qui est référent et qui a le dernier mot. Voilà. Et donc, et apparemment, c'est le mec qui n'a rien vu qui a pris la décision, vu que c'est l'arbitre central. Et que le Texier, Oui, mais parce que le hors-jeu, il avait été avec ce protocole, il avait été c'est blanc ou noir, c'est oui ou non. Ouais, mais il est pas allé regarder. Mais il a pas besoin de regarder, il regarde jamais les hors-jeux, c'est dans le protocole. C'est dans le protocole, le hors-jeu. C'est que sur les L'arbitre est appelé quand il y a besoin d'une interprétation, ce qui est la base du foot. Dans le hors-jeu, il n'y a pas d'interprétation. C'est pour ça que les deux mecs étaient pas d'accord. Mais c'est toute la limite de la VAR. Mais non, parce que la VAR est depuis le début par essence contre le contraire aux règles du foot. Bon, on va pas refaire la VAR, même si ça serait sympa. Ouais, on le refera à la Coupe du Monde quand tu auras la VAR automatique. Ouais, le Radio Show spécial au Qatar avec la drogue et les putes, enfin tout ça. Et avec Djikou en invité spécial, et peut-être Diallo. Peut-être Diallo, bah oui, bah non. Et peut-être Ajor. Donc, mais il y a quand même ce but, cette non-égalisation, hein, très frustrante, qui aurait pu sauver un match moyen du Racing. Mais qu'on mérite de perdre. Bah, qu'on mérite pas de gagner. Du match, on mérite de perdre, ça je suis d'accord. Par contre, sur la fin de match, on mérite presque de revenir, parce que le but refusé, après on pousse encore et on a encore une grosse occasion, je sais plus qui là. Une frappe à l'entrée de la surface, hein, mais. Thomasson, peut-être, c'est Thomasson, je sais plus. Dany Jean a joué ce match. Il était un peu trop grand, mais. Mais donc, ouais, donc du coup, c'est un Racing qui a ce qu'il mérite. Et c'est un petit peu peut-être une constante dans les matchs qu'on va continuer à analyser. C'est qu'en fait, on a toujours un petit peu, quand on n'est pas bon, on n'est pas payé, mais en fait, on n'a pas cette chatte à Stéphane, qui faisait que avant on était peut-être un peu plus payé, genre on faisait un match pas terrible, mais on arrivait quand même à marquer ce but à la 90e, il n'était pas hors jeu, et du coup on arrivait à gratter un point sans truc. Mais je peux. Vas-y, je peux enchaîner du coup, justement, ça, pour un peu te contredire. Justement, non, mais tu peux pas. Alors. Le match suivant à Nice, je trouve que là justement on n'est pas payé parce qu'on fait un très bon match à Nice. On a un peu retrouvé le Racing de l'an dernier avec de bonnes combinaisons au milieu, une bonne organisation. Alors, un super Gamero. Ouais, Gamero qui a plusieurs grosses occasions. Et qui marque. Et qui marque, oui. Et qui rate aussi l'une ou l'autre occasion en plus. Bah, Gamero. Gamero. Et finalement, le Nice, ils sont pas trop dangereux. On concède un pénalty un peu con. Le pénalty, c'est simplement que le marchand, il est trop lent maintenant pour jouer autre part que axial central. C'est Niamsi qui fait le tap. Non, c'est Niamsi qui fait le tap. Ah oui, parce oui. que le marchand, que, il oui. est à la rue oui. quand Guiri part. Parce que Guiri, franchement, il va pas au but pour aller tirer. Il va au but pour tomber. Mais... Oui, parce qu'il est excentré. Vu du stade, tu vois qu'il va faire faute à peu près ouais, 10 km, hein, ça ouais, se sent. Non, il est obligé, c'est sûr qu'il peut pas. Non, il doit l'excentrer. Il doit l'excentrer dans la ligne, c'est sûr, mais il est trop derrière lui pour le faire. Mais c'est un des matchs qui montre aussi une problématique, c'est qu'à la 60e, on était complètement carbo. Hein, d'ailleurs, ça finit avec un. Ouais. Oui, mais je veux dire, à la 60e, une fois qu'on égalise et qu'à mon avis, il y a peut-être un coup à jouer à ce moment-là. Ah, on a réussi à mettre le coup de boost en plus. Mais on est carbo, mais on arrive quand même à gérer le match. Je me voyais pas du tout perdre ce match. Oh, Leur meilleure occasion, c'était les centres qui rentraient vers l'intérieur et qui, à la fin, arrivaient presque sur le but. Mais sinon, Nice, c'était nul. Le seul truc, c'était le plan. Ouais. C'était Delors, il plonge dans la surface et il essaye de voir ce qu'il peut avoir avec ça. Bon, Nice est assez nul cette saison, de toute façon. Donc, que vaut ce point au final? On sait pas. Exactement, ils vont même pas réussir à battre Cologne. c'est un match. Leur gardien, il n'était pas mauvais contre nous. Il sort une belle balle et. C'est le seul bon match qu'il fait. C'est dommage parce que c'est ça où il sort pas une balle de gardien. Non, Djikou en première mi-temps. Oui, mais il en sort de ouf. Diallo. C'est le meilleur but de Diallo. Arrêt handballeur contre Diallo tout de suite en match de reprise. Et effectivement, c'est ce que tu disais, mais c'est dommage pour nous parce que je crois que c'est son seul bon match depuis qu'il est arrivé. Et alors, le truc après Nice, c'est que je me disais, ouais, bon, Monaco, ils étaient meilleurs que nous parce qu'ils étaient plus frais physiquement. Et contre Nice, bon, on les a un peu baladés et donc ça devrait aller. Mais en fin de compte, je suis pas sûr que ça soit vraiment le cas et qu'en fait, on est quand même. On a déjà fait le tour sur Nice. Ouais, on pouvait juste rajouter que tout à la fin, quand même, je crois que c'est le pire match depuis le début de l'année, ouais, Ajor qui doit. Il a marqué. Mais Delaine, déjà, contre Monaco, il avait une occasion où à un moment, je crois que c'est Delaine qui centre en retrait, non? Ouais, mais après, Ajor, tu vois, bon, sur ces 6 matchs, il y a à chaque fois des choses, ouais, ils sont pas du tout Ajor qui aiment, ouais. Voilà. Bon, alors, si on a fait le tour du stade. Juste un mot, quand même. Breaking news ou quoi? Non. La reine est ressuscitée, non. Juste un mot sur Nice, c'est quand même leur stade dégueulasse, qui est ultra vide, ou presque, hein. Qui est hyper loin du centre-ville, hein. Je crois qu'il me faut 3/4 d'heure de tram pour y aller, pour revenir. Les nouveaux stades, c'est de la merde, comme là-bas. Est-ce que tu as pris une boisson, puisque nous étions tous les deux au match, nous sommes croisés, est-ce que tu as pu prendre une boisson? Oui, je crois. Moi, il m'a fallu une demi-heure pour avoir un coca, sachant que dans la tribune Victor, il y avait un coca. Ouais, à Coca. Oui, les Allemands. Est-ce qu'on a des leçons à donner là-dessus? Mais non, justement, mais c'était du même acabit que le scandale de la buvette, enfin, le pseudo-scandale de la buvette de la Méno au premier match, le Binus Gate de Monaco. Et sur l'organisation du stade, oui, c'est genre à Nice. Peut-être un peu en parler parce que ça fait l'actualité. Ouais, c'est l'actualité. Bah, c'est nul, hein, non? Déjà, nous, on a attendu un quart d'heure que le mec chargé d'ouvrir la porte pour les bus, pour le bus, ouvre la porte. On était donc, je sais pas. Il attendait l'ordre d'ouverture de la porte. Il le fait très bien. Il a un petit. Mais un jeté, non, c'est ça? Hein? Ah, pour l'heure, hein. Du même Akami Haifa, ou t'as l'avis? Et, non, hein, et puis bon. Après, globalement, par contre, le seul avantage qu'on peut donner, c'est qu'on voit bien le match. Oui, c'est pas le parquage de Lyon, quoi. Hein. C'est surtout de Lille, hein, mais bon. On voit bien le match, voilà. Mais c'est vrai que bon, le stade est vide, il est un peu mort. Et a priori, on peut assez facilement faire le tour. Moi, je n'ai pas essayé. Mais ça, c'est pour aller à la buvette qui marche, du coup. C'est peut-être, oui. Bah oui, je pense. Bah, les Allemands, si tu peux pas leur servir des bières, bah, ils sortent du parquage. Ah, hein, ça paraît logique. La nature revient au galop. Donc voilà, Nice 1-1, on se dit, bon, un point à l'extérieur contre un club européen qui a fait un super mercato, c'est pas mal. En vrai, c'est ce qu'on se dit à ce moment-là. Avec rétrospectivement, on se dit bon bah finalement Monaco et Nice ils étaient nuls, c'était le moment de les taper et de prendre 6 points. Bon, ah, tant pis. Mais arrive Reims, c'est où que ça arrive Reims. 6 points, 4-0 chaque fois. Voilà, les derbies du Grand Est, Reims qui un petit peu on se dit c'est une équipe qui vivote, ils ont vendu leurs meilleurs joueurs, qu'est-ce qu'ils vont en faire en plus ils avaient pris 2 fois 4-0 non c'est pas ça. Je sais pas. Ah, si, ils étaient derrière. Ouais, ils étaient derrière nous, oui, en tout cas. Ouais, et comme on avait qu'un point. Et comme c'est Calcio, ouais, bon, bah, on va les mettre, on va leur mettre 4-0, quoi. Et là, douche froide. Et maintenant, c'est notre bête noire. C'est le pire match. Oui, c'est vrai. Clairement. On était nuls. La première mi-temps. La première mi-temps, catastrophique. Non, mais le nombre de fois, on fait un partout contre Reims. Enfin, le nombre de fois, on fait un partout cette saison. Bah, l'an dernier, 2 fois. Deux fois. Il y a une année en Ligue 2 aussi où ils ratent le pénalty à 1 minute. On a fait un partout. Avec Philippe Essad, de temps en temps on gagne et de temps en temps on perd. Ouais, c'est un club de merde. Donc, mais on ouvre le score après une première mi-temps abominable. Ah, la première mi-temps elle est cataclysmique. Mais c'est vas-y, on essaye de se faire des passes, mais en fait on la donne aux autres. Et puis ben, ça marchait bien, ça, de donner la balle aux autres. Et on offre des occasions. Incroyable. On permet à leur nouvelle recrue japonaise de briller. Alors qu'il n'y a pas besoin de ça, c'est un très bon joueur. Et donc, bon, absolument 1-1 plus juste avant la mi-temps. Ouais, on marque juste avant la mi-temps. Ouais. Totalement pas mérité. Ouais. Si c'est 3-0, pour Reims, c'est normal. Mm. Alors qu'on pouvait s'attendre à ce que Reims aussi soit un peu dépassé. Parce que, bon, déjà, ils ont perdu, tu disais, leur meilleur joueur. Ils avaient leur défense. Ils n'avaient pas d'attaquant, je crois. Votre Faes, qui était un petit peu dans la même situation que ben, Dico, avec chez nous, qui était un peu départ, incertain sur le départ. On ne savait pas trop, finalement, il joue le match. Mais qui, lui, est parti, finalement. Oui. Oui. Oui. C'est les sous-sous dans le pop. Mais Diallo fait sa spéciale Diallo, c'est-à-dire il met son but. Non, c'est Djikou. Non, c'est Djikou. Ouais, sur corne. Je sais pas pourquoi c'est Diallo, mais c'est parce que Diallo fait toujours. Parce que Diallo marque tous les buts. Bah, c'est le collègue qui va. Et donc, bon, 1-0, on se dit c'est bien payé. Et puis en plus, le Racing, pour le moment, s'est toujours réveillé en deuxième période. Donc on va avoir une belle deuxième période de football. Et. Ah non, pas du tout. Moi, défensivement, ça allait un peu mieux la deuxième mi-temps, parce que c'est plus la cata de la première. Tiens, mais ils égalisent assez logiquement, mais plutôt vers la 80e, je crois. Mais le même problème, hein, la 60e, on n'avance plus. Hein. Un match où... Et alors, la 75e, il n'y a plus rien. Bah, je trouve que Persic, par exemple, qui était un petit peu le meilleur joueur du Stoub de l'année dernière et du site aussi, il me semble. Il y avait clairement un plan de Reims anti-Persic. Le mec n'avait pas un mètre d'espace devant lui. Tout le match, il a rien pu faire. Bellegarde, qui était à côté de lui, n'a pas profité parce que ben, quand il joue trop près de la défense, Bellegarde, c'est pas non plus. C'est pas là où il est le plus dangereux. Et finalement, ben, effectivement, les seuls ballons qu'on a eus, je pense que ces matchs, on a rendu le plus de ballons à Reims. Quoi, mais par à l'adversaire. Mais c'est parce que Reims a compris que, en fait, l'an dernier, on avait plusieurs points forts. On avait les latéraux, on avait notre duo ou trio d'attaque qui alternait, et on avait Persic. Le trio d'attaque, on a Ajor qui est ouais. À ce moment-là, complètement disparu. Gamero qui n'est pas en super forme non plus. Thomasson qui va ronronner comme tous les derniers, voilà. En fait. Et les latéraux, on n'a pas encore une paire de latéraux qui s'en fixe. Donc il restait que Persic, et il suffisait de le cibler, et c'est pas le joueur qui fait la différence tout seul. Il nous manque surtout le 8. Ouais, ça je voulais. Ouais. Non, mais ce qui était Sissoko l'an dernier, en fait, hein, en début de saison, là, le début de saison. Et c'est ce profil-là. Et c'est Sissoko qui va... Non, le Sissoko du début, ouais, c'est enfin, le Sissoko de... Ouais, de la deuxième partie. Et c'est très bien, on pourra parler du recrutement après. Ouais. C'est très étonnant. Et on va le faire, ouais. Ce type de joueur, parce que moi j'entends, mais Bellegarde ne sent absolument pas le jeu. Hein. Ça, c'est un milieu, alors il est... Il est bon, il est actif. Il est actif, mais il ne sent pas le jeu, ouais. Il sait pas lâcher son ballon quand il faut, il sait pas faire une passe. Alors déjà, Bellegarde, s'il savait faire une passe au bon moment, il jouerait plus haut à son Donc ça, c'est sûr. Non, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il joue à ce poste-là, enfin, qu'il quand même, il joue quand même relativement proche de la défense, alors qu'effectivement, il a des super qualités. Quand il a la balle à 30 mètres de la surface adverse, il va percuter, il est super explosif et il va savoir le faire. Mais c'est pas un mec qui peut jouer proche de la défense pour orienter gauche droite pour prendre la décision. Bah, quoi, Bellegarde? Moi, je trouve que les rares fois il jouait à la place de Persich, ça allait. Mais il joue en 6 défensif intercepteur. Il joue pas forcément. Mais c'est ce que Persich va faire aussi. Enfin, c'est son boulot. Après, alors du coup, justement, par rapport au point fort de l'année dernière et qu'on n'a pas cette année. Donc moi je suis totalement d'accord sur les latéraux et sur devant. Mais après moi je trouve que l'année dernière là on était fort, c'était récupérer la balle haut. Ouais, le pressing haut. Oui, le pressing haut. Mais ça on le fait encore. Bon. Ah bah, après justement. Bah contre Reims, non, parce que d'ailleurs contre Reims on faisait aucun pressing. Oui. Et les mecs ils restaient au milieu, coulaient à la ligne du milieu, je sais pas pourquoi. Mais après du coup voilà. Je regarde pas tout le temps mais là je regardais un peu les stats à Marseille. Sur les, merci, sur les actions défensives. Non, mais si tu compares à l'année dernière, 21-22, si tu ramènes sur 90 minutes, et par rapport, alors 21-22 et 22-23, l'an dernier, 151 pressions sur, par 90 minutes, et cette année, depuis le début de saison, 116. Donc, c'est un delta qui est énorme. Mmh. Et l'année dernière, c'est nous qui faisions subir plus de pressions. Cette année, on subit au max parce que on a un delta de moins 30. Ce qui est énorme. Et après, le truc, c'est là où la pression se fait, eh ben, c'est beaucoup plus loin derrière. Oui. Là, c'est les défenseurs qui récupèrent le ballon. Du coup, on récupère le ballon beaucoup moins haut. Mais l'an dernier, on était l'équipe qui récupérait le plus haut, en fait. Ouais, et du coup, mais ça, c'est déjà, je pense, c'est parce qu'il y a les latéraux. Parce que l'an dernier, dès que tu faisais, l'équipe en face faisait une relance sur le côté, eh ben, t'avais systématiquement les latéraux qui montaient. Gilbert et Cassie, ils montaient tout le temps. Là, en plus de la ligne offensive. La ligne offensive. La ligne devant Ajor. Déjà, Ajor joue moins installé, du coup, il y a moins de pressing. Alors qu'Ajor pressait, Thomasson, c'était quoi? Thomasson tout le temps, mais là, ça a pas. Mais même lui, il a un peu. Mais il presse pas, là, oui. Mais tu dis, c'est toujours beaucoup plus que le reste. Et puis après, du coup, on avait souvent deuxième lame derrière qui passait. Donc, Persich, tu vas récupérer du ballon. Et là, cette année, on l'a plus. Parce que là, du coup, on part de plus loin, on subit beaucoup plus, on a moins d'occasions. Et c'est là où on est vraiment moins bon. Après, moi, je suis pas coach, hein. Je peux pas dire qu'est-ce qu'il faut changer. Mais aussi, l'équipe, cas, la stat qui tue, l'équipe qui court le plus de Ligue 1. Ouais. Mais c'est pas le cas. Mais ça, j'ai pas trouvé cette stat, si vous l'avez vu. C'était la deuxième, non, c'est les DNA qui m'ont donné, je crois. C'est Opta qui l'a, mais c'est. Faut vérifier Opta, je crois. L'an dernier, t'es la deuxième équipe qui court le plus derrière Rennes. Mais c'est pas les mêmes courses, en fait. Là, ouais, mais là, c'est des courses de compensation parce que t'as mal fait un truc, t'as raté ton pressing, donc il faut rattraper c'est le mec. C'est pas la course vers l'avant qui presse. Hein. Ouais. Ouais. Donc ça veut pas grand. Et un autre truc que j'ai aussi vu, c'est les dégagements. On a beaucoup plus de dégagements. Donc ça veut dire que quand on récupère la balle, on peut pas l'exploiter bien. Ouais. Et beaucoup d'erreurs aussi. Erreurs qui amènent des tirs. On a fait x3 sur les erreurs qui amènent des tirs. Donc ça c'est sur, c'est sur les 6 matchs ou c'est juste contre Reims? C'est les 6 matchs par rapport à l'année dernière. Ouais. Mais parce que c'est donc les stats qui montrent qu'on n'est pas au point physiquement. Ouais. Mais je sais pas, c'est pas physique parce que... Bah, la question des récupérations, de jouer haut, tu sens que c'est plus compliqué. On a rapidement un train de retard en fait sur les joueurs. Reims, on était constamment en retard en défense. Mais Reims, c'était le pire. Mais Reims, on a laissé tomber. Il y a rien. On a pas fait de pressing. Bon, après, la stat la plus grave, c'est quand même d'avoir permis à Costil de faire un clean sheet au bout de quoi, 29 matchs de suite. Attends, on est déjà au cercle. C'est la transition, est-ce que vous... Non, c'est juste pour Reims, dernier mot sur Reims, puis s'embrayer sur Auxerre. Je voudrais quand même saluer le choix audacieux vestimentaire de Julien Stéphan. Mm-hmm. C'est pas dans le flop. Bah, je sais pas, moi. Alors, j'ai vu du stade, je trouve ça très classe, jusqu'à ce que je vois une photo où tu vois qu'il avait des sockets. Là, c'est un peu fashion. Alors, est-ce que tu peux nous le décrire pour les gens qui n'ont pas les images comme nous? Ah bah c'est pantalon blanc, chemise blanche. Mais pas le même blanc. Oui, pas tout à fait le même blanc. Un peu crème. Le pantalon, t'es crème. Ouais. Mais ça, c'est parce que... Donc ça va déjà pas. Ouais. Les débuts des travaux arrivent, apparemment, il devait faire un peu de placo, un peu de cire. Et... Peut-être, ouais. Ah, mais il aurait dû mettre des chaussettes et pas des sockets comme ça. Ça, je trouve ça. Même ça, ça part en sucette. Ouais. Rendez-nous l'oreille. Mais l'oreille bien habillé. Bah, elle est toujours habillée pas. Mais au niveau des tenues, on a quand même vu un Julien Stéphane souvent jogging. Oui, ça aussi. Est-ce que c'est pas... Mais plutôt à l'extérieur, non, le jogging. Ouais. C'est plutôt quand il faut faire des longs voyages, il faut se mettre à l'aise. Des voyages en train. Oui, en train, en avion. Toujours en train vers l'est. En char à voile. Char à voile, ouais. On a redécouvert tous le char à voile, j'imagine. Il y a quand même une fédération française de char à voile. Le président était invité sur BFM. C'est vrai? Le mec, il a fait mal à ça, non? Non, là, on a d'autres invités, je crois. Après les marabouts, hein. Parce que BFM avait invité aussi un marabout. C'est véridique. Ils invitent n'importe qui, BFM. Bah, bientôt, ils vont inviter Orange parce qu'il y a des SMS bizarres qui passent. Depuis à la fédé. Ah oui, à la fédé. Mais pas à la fédé du Racing. Rien à voir avec Philippe Wolff. Notre maître à tous. Oui, notre maître. Qui a une personne au-dessus de tout ce son. Et donc, la transition sur, effectivement, Costil, qui, comme Bordeaux, va beaucoup mieux, hein, donc, alors qu'on aurait pu leur souhaiter on espérait le pire pour les deux. On leur souhaite toujours le pire. Bien sûr. Casser une jambe, un accident d'avion, je ne sais pas. Bordeaux, je suis pas contre Metz, non? Si, je crois qu'il y a un Bordeaux-Metz, hein. Non, Saint-Té. La bataille des bâtards, c'est ça, non? Non, pas Bordeaux-Saint, c'est quand même. Bordeaux-Metz. Donc, Auxerre, Jean-Marc Furlan. Voilà. Ah, donc, petit point investimentaire, vas-y. Sur Jean-Marc Furlan, avec sa casquette à l'envers. Mais ça, il l'a depuis un moment. Oui, pas, je sais. Oui, il alors ça, je savais pas, j'ai appris, mais ça reste quand même un gros connard, ce mec. Oui. Il a avoué que c'était pour rendre hommage à son père décédé qui portait la casquette à l'envers. Moi, je pensais juste que c'était pour être plus moche et plus con qu'il l'était déjà. Donc, très souriant, hein, Furlan. Bah, c'est quand tu baises au Racing. Donc, il y a 10 ans et aujourd'hui, il peut quand même être content. Hein. Jean-Marc Furlan, copieusement hué par la tribune visiteur en début de match. Est-ce qu'il y a eu des Furlans d'émission? Ah non. Vous avez raté ça. Il y a eu des Furlans enculés. Ah, on peut pas dire ça. Bah, c'est pas un champion Furlan comme avec Bauken. Non, mais il y a eu une bordée de sifflets qui a été après sifflée par les connecteurs. Mais c'est anecdotique parce que l'important c'est que on s'est bien fait furlaniser par la GIA. Certains m'ont dit c'est une des équipes, c'est l'équipe la plus faible qui a affronté le Racing depuis le début de saison. Parce qu'on a pas encore joué à Ajaccio. Oui. Mais moi en fait au Serre j'ai deux lectures finalement. Enfin, après le match, après l'avoir vu en direct sur Prime, j'étais pas au Serre. Ben bravo. Moi j'ai pardon. Mais j'étais suffisamment au Serre dans ma vie. C'est peut-être un problème. Hein. j'avais l'impression que voilà, on avait vraiment raté le match, que c'était la suite de Reims. Et en fait, j'ai regardé à nouveau le match derrière. Je me suis infligé ça, j'avais un peu de temps à perdre. Et finalement, j'ai une seconde lecture en me disant non, finalement, on maîtrisait plutôt le ballon, on n'arrivait pas à se créer d'occasion, mais on en concédait très très peu finalement. Bah une. Ah oui, on a concédé une occasion. Alors, moi, je suis allé pisser un moment au début de deuxième mi-temps. Apparemment, on en a subi une en début de deuxième mi-temps, je crois. Ouais, mais c'était pas grand-chose. C'est pas grand-chose, ok. Mais sinon, ouais, vraiment, il n'y en a qu'une seule sur un ballon récupéré super beau. Mais on a fait une passe. Autrement, on a maîtrisé, on a bien défendu. Totalement d'accord. Auxerre, c'était pas un match. Non, c'est bien fait. C'est pas l'occasion, non. En même temps, il leur manquait tous leurs attaques en Auxerre. Mais nous, on avait aussi une compo. C'était le titre du CR sur le Stoub. Une compo Monsieur Bricolage. Hein. Stéphane avait emmené 15 joueurs de champ. T'avais du... Ah oui, en plus, il y avait Doucouré qui s'était blessé pendant le match. On est passé en 4-3-3 à un moment. On est passé en 4-4 de losange à un moment avec Diarra. Après, la jouer, Bellegarde a commencé à jouer sur le côté aussi. Hein. Oui, oui. Ouais, c'est... il jouait à droite. C'était pas la première fois, hein. L'année dernière, il avait déjà joué, ou il y a deux ans, il avait joué un moment. Son tout premier match contre Haïfa, je crois qu'on avait, en Coupe d'Europe, on avait Lala qui était suspendu, et je crois qu'il fait... Bellegarde faisait à droite. Il jouait à droite. C'était pas Simacan? Non. Pour moi, Simacan jouait dans l'axe. D'accord. Contre Haïfa, le tout premier où il faisait ultra chaud. Mais je crois que c'était avec Loré, où Bellegarde, il avait joué à droite à un moment. Ouais, mais très peu. Non, mais c'était un match, une mi-temps. C'est pas plus long. Après, Bellegarde, il joue partout en ce moment. Mais avec Loré, il jouait parfois milieu droit dans un 4-4-2. Loré, oui, c'est ça, au début, aussi. Oui. Mais venir avec 15 jours de champ, ça reste un vrai handicap, hein. Surtout actuellement, où t'as le droit à 5 changements. Hein. Parce que la réserve jouait contre Épernay le lendemain. Ouais. On avait besoin de monde. Mais du coup, on a privilégié la réserve, la technique. Bien sûr. Bon alors, ouais, donc... Mais bon, après, on se prend quand même... Parce qu'on prend même un but un peu con, parce que Delaine, il lâche son mec. Oui. T'as le mec, il y a une passe, il y a cinq mecs derrière, ben, c'est le cerveau qui a la balle, parce que Delaine, il, je sais pas. Mais je crois il que c'est... Il retourne vers l'avant, et du coup, il ne suit pas. Mais c'est sur ce match aussi où Delaine commence à droite, il aime pas ce poste, et au cours de match, il passe à gauche, et d'un coup, il devient super bon. Non, mais non, ça, c'était Nantes. Ça, c'était Nantes, ouais. C'était Nantes, ouais. Mais Delaine, mais à droite, c'est pas ça, en fait. Il n'a pas du tout ses repères. Donc, ouais. Mais pourtant, il est droitier. Oui, bah, comme Cassie. Comme Cassie, hein, exactement. Ouais, mais Cassie, il jouait partout. À droite, ouais, à gauche. Moi, j'ai toujours actuellement, il joue plus. C'est pas mal. Il jouait partout. Mais il joue toujours pas. Il est en groupe à Nice. Ah non, mais c'est Mayence. C'est Cologne. Attention, qu'on ne faut pas Cologne et Mayence. Ils jouent tous les deux en rouge, mais c'est pas exactement pareil. Donc, Auxerre, là, on commence quand même à se dire autant les. Et Auxerre, alors, expected goals, 1,66 pour le Racing, 0,77 pour. Mais c'est ça, on a quand même, on a rien pensé. Fait enfler, quoi. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Mais là, on commence à se dire, c'est pas très bon. C'est... Parce que c'est notre championnat. On commence à regarder la liste des entraîneurs libres. Voilà. Donc Auxerre, c'est quand même l'équipe qui a recruté Nuno Da Costa. Nuno Da Costa, qui a marqué, qui était suspendu. J'allais dire, il a pas marqué contre nous. Bah, bon, les rageux diront qu'il était suspendu, mais ils ont recruté Mbaye Niang aussi. Quoi? Sur les conseils de Costil. Ah oui, c'est pas Auxerre où il y a des transferts n'importe quoi aussi. Là. Comme à Nice, ouais, c'est aussi un peu n'importe quoi. Non mais Nice, c'est un scandale. Là, ils ont encore pris, je sais pas qui là. France Barclay. Que Favre ne connaît pas, qui à mon avis restera pas. Qui à mon avis restera pas très longtemps. Ils perdent déjà là actuellement. Des clubs de Malgérie. Ah, ça joue ? Ça joue finalement. Ouais. Bah, ça joue. Ah, les Allemands ont eu de la bière à la buvette, c'est bon. C'est ça, ils sont sur le terrain en tout cas. Donc bon. Bon, faut passer, je crois que Hatter veut passer à... Bah ouais. Donc voilà, on se dit bon, ouais, hein, bon. Auxerre, c'est clairement la mauvaise opération. Je pense qu'on passe relégable à ce moment-là. Ou pas loin, tu vois. Bah, deux points, c'est 18e. Donc, il y a un petit peu feu dans la demeure, mais on joue nos meilleurs ennemis, ceux qui nous ont un petit peu fait perdre la Coupe d'Europe, et qui, eux, vont la jouer avec perte et sûrement fracas. Mm. Le football club Nantes-Atlantique, je ne sais pas. Non, c'est plus Atlantique, hein, c'est fini. Ils ont su enlever leur voyelle entre eux. Voilà, ouais. Comme quoi. On s'appelle le Racing Club. Du coup, tu veux Atlantique, un nouveau président dans le style de Kita, c'est ça. Non, je sais même pas qui avait enlevé le Atlantique, c'était pas Kita. C'était pendant Kita. Bah, Kita, il rajoute des choses plutôt qu'il en enlève. Bah, il a fait un logo. Non. Après, il s'est peut-être brouillé avec les collectivités, ils ont dû l'enlever, je sais pas. Bah, de toute façon, c'était le même problème que nous, hein, avec le Alsace, c'est qu'il fallait de la thune, du coup, ils ont rajouté le Atlantique, quoi. Qui était un peu dans la même situation que nous, c'est-à-dire que tant qu'ils vendaient pas, ils achetaient pas. Nantes. Voilà. Oui, parce qu'il était question. Ils ont pris l'un ou l'autre. Oui, ils ont pris Ganago à la fin. Mais à la toute fin, quoi. Ouais. Sauf que le catalogue de Moji Bayat. Ouais. Voilà, oui. Okay. Ouais. Donc, Nantes qui était à peu près au même niveau que nous. Hein. Enfin, un petit peu devant, mais pas beaucoup. On pouvait passer devant Nantes si on gagnait. C'était, mais je crois que tout le monde était à peu près au même niveau. Ouais. C'est très homogène encore. À part le PSG. Hein. Ouais. Et donc. Ma compo, monsieur bricolage, comme encore une fois. On va bientôt. Alors, bien sûr, tout ça, mais il parle pas des blessés. J'ai posé ma question minutieuse sur les blessés. On va parler des blessés. Oui, tout à l'heure. On parle de ce magnifique match. C'est quand même le football avant tout, le plaisir. Le match de Nantes. Mais donc, monsieur bricolage. Déjà, mercredi, monsieur bricolage, mercredi 19h. Oui, effectivement, c'est plutôt une heure à être chez monsieur bricolage faire ses courses que d'être à un match de foot. Bah, c'est une heure où on sort du boulot, donc c'est compliqué d'aller voir les matchs. Ouais, pour ceux qui bossent. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas 26 000 chômeurs non plus. Bah, ça, c'est pas les statistiques. Hein, On peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques. Non, je vois 21h. Mais du coup, c'est là qu'on vous calcule les matchs. Du bricolage avec Delaine toujours à droite, Pierre Gabriel qui est devenu défenseur central, le petit Diarra qui était titulaire pour la première fois. Ouais. Donc, on a fait une bonne première mi-temps, je trouve, contre Nantes. Pas le début. À partir de la 10-15e minute. On a subi un moment, comme ça, de la 15 à la 35e. Mais en fait, dès qu'on a marqué, ça allait beaucoup mieux. Ça combinait plutôt bien. Un peu comme contre Nice, finalement. Sans trop d'occasion non plus, mais voilà, tu retrouves les circuits de passe un peu de l'an dernier. Et après, bah, alors, deuxième mi-temps, encore une fois, on basque pied, en fait, hein. Bah, deuxième mi-temps, alors, je sais pas si c'est que le Racing, mais pour moi, c'était aussi Nantes. Je pense que Nantes, ils ont bien adapté leur manière de jouer. Ils ont beaucoup plus écarté le jeu, en fait. Ouais. Les mecs, les deux latéraux, ils collaient les lignes. Il y a eu beaucoup de renversements et à chaque fois, ça foutait la merde. Surtout quand Colin Dagba est rentré. C'était... Ah, il a fait une entrée difficile. Bah, il s'est enflammé directement avec des montées rageuses, mais après, le replacement, c'était quoi? Ouais, il s'est retrouvé à... Il s'est retrouvé à gauche, alors que il y avait un gauche, énorme, et voilà. Qu'il était, il partait de... Ouais, c'est bon vlog, quoi. Non, putain. Ouais. C'est très marrant. Sans le coach sportif. Mais encore une fois. De ma voisine. Mais encore une fois, physiquement, on a baissé à 60e, ça, on n'avançait plus beaucoup. Hein. Mais même, sur, enfin, on l'a bien vu à la fin aussi, à la fin, d'habitude, les Nantes, ils égalisent, c'est presque logique. Hein. Oui, oui. 85e, 84e, je pense. Ça fait chier, ouais, c'est le match, vrai. Si c'était un match de rugby, on aurait gagné, mais bon, ça fait chier. Mais après, en fait, souvent, le Racing essaie de... Pour ouais. prendre le dessus, et c'était pas possible. Ouais, les mecs, ils ont attaqué une fois, c'était fini, dans ta nouveau là-bas. Bah, on avait clairement pas les moyens physiques, effectivement, de poursuivre le match. Et là, on était content qu'ils aient marqué aussi tard, parce que. Ouais, parce que je pensais qu'on aurait pu perdre. Ouais. Mm. Nantes, la deuxième mi-temps de Nantes, c'est du Reims, quoi. Mais pareil, on tient pas à 90 minutes, mais je crois que tu n'es pas perdu, en fait. On n'est pas. Ah non, on n'est pas. C'est pas Ajaccio ou Angers où ils sont à la rue. Nous, on a quand même. On a toujours des super mouvements en attaque. Ouais, pas tout le temps, mais ça arrive. Non, mais c'est pour ça qu'il y a des motifs d'espoir. Ouais. Surtout moi, ce que j'aime bien, c'est Gamero. Enfin, il va beaucoup chercher la balle. Il va beaucoup faire des 1-2 à l'entrée de la surface. Ça marche souvent bien, même si ça donne pas des tirs à la fin. Ça, c'est le problème. Mais ouais. Quand on est bloqué, on peut toujours faire ce petit truc-là. Donc ça marche. Sentiment, ouais, Cachio. Oui, mais je comprends pas trop la préparation physique, hein, ces matchs en pleine canicule. Alors bon, est-ce que tu veux parler du réchauffement climatique plus tard. Du déplacements, du match à Liverpool. Le jus de pamplemousse, c'est ce que tu veux comprendre. Du match contre Brentford aussi. Les mêmes celui qui contre c'était à 15h en plein non, c'était à 13h. Mais Cagliari, c'était pareil. C'était à 19h, je crois. Oui, il faisait aussi chaud. Mais a priori, c'était une vraie... Et vous voulez quand même pas jouer dans des stades climatisés? Pourquoi pas? C'est pas une idée. Si. Ah bah, j'ai l'idée à la FIFA, c'est ça. On pourrait peut-être même organiser une Coupe du Monde là-dedans. Bah oui, ça serait en hiver peut-être même. Ça serait pas con, hein. Alors bon, donc contre Nantes, sentiment mitigé le lendemain. Déçu d'avoir pris ce but... un con, enfin, déçu de pas avoir gagné. À la con, ouais. Déçu de pas avoir gagné, d'a pas avoir le compteur alors qu'on était très proche. Mais pas inquiet non plus. Plus, pas inquiet parce que le contenu n'était pas dégueulasse. Quand même content parce qu'on sent qu'avec 10 minutes de plus, on repartait avec 0 points. Donc on est encore dans Content de buvette ou pas? Je sais pas. Non, je sais pas, il y avait de l'amélioration, parce que c'était à ce moment-là qu'ils avaient promis des changements. Est-ce que quelqu'un a vu les buvettes mobiles? Ouais, ça j'ai vu. Oui, je les ai vues. Mais moi j'avais vu tous les matchs à la méno, j'en ai vu aucun. Ils savaient pas servir de bière, il y avait 90% de mousse. Oui. D'accord. Donc c'est pas un mythe, ça existe vraiment, d'accord. Oui. Bah, moi j'en ai vu un sur la plateforme de la web, mais je pense pas qu'il est trop beau, ça, parce qu'il avait pas l'air facile. Mais c'était Dagba, non? C'est parce qu'il a fait ça avant de rentrer, en fait, il a une double fonction. Et donc on va. On parlera de Gilbert aussi. On parlera de tout le monde, hein. Bien sûr, n'ayez pas peur. Mais les blessés. Se retrouve après la coupure pub. Non, t'es con. Il y a pas de coupure pub, on n'a pas de sponsor. Bah, tu veux faire un appel au sponsor? Bien sûr. Personne ne veut. Personne ne veut. Les gens ont peur d'être associés à une émission qui dit la vérité. Donc la reine Elisabeth va très bien jusqu'ici, hein, genre on est en duplex, tout va bien. Elle vient de m'envoyer un message, ça va. Elle sera au match dimanche. Elle se réjouit de la victoire de Rennes d'ailleurs, ah bah. Dans les arrêts de jeu. Rennes again. À l'Armaca. À l'Armaca. Donc on se déplace à Brest. Alors Brest, beaucoup de motifs d'optimisme. On a lancé notre saison l'année dernière en atomisant Brest 3-1 à la Méno. On a volé Brest en fin de saison. Grâce à la VAR. Grâce à la VAR, personne n'a rien compris. Oh, il y avait hors-jeu. C'est net. Voilà, donc là, tout va bien, on n'insulte pas. Bien sûr. Moi, j'insulte jamais. que sa mère. Donc on se dit, Brest en plus est une équipe qui est en difficulté en ce début de saison. On se dit, tout est réuni pour que le Racing ouvre le compteur, lance la saison. C'est une équipe qui a pris 7-0 les derniers matchs à domicile aussi. Contre Montpellier. Contre Montpellier. En plus. L'équipe du Nijambiste. Et Germain avait marqué en plus. Et donc là, le match commence. Alors moi, je n'ai pas pu le suivre car je faisais un reportage sur les vendanges. Et... Ah, pour une... c'est un autre boulot à côté. Et sixième minute, mon assistant, Roulian, me glisse dans l'oreillette. 1-0 pour Brest. Ouais. Sur une boulette de Diarra. Qui est pourtant une des grosses satisfactions. Ouais. Et du début de saison. Et un futur très bon joueur. Pour le coup, derrière, le marchand, il est pas exempt de tout reproche non plus. Oui, mais... Il intervient sans intervenir. Il avait un masque. Mais le... À sa taille. Puisque c'était ce qui posait le problème. Mais l'ami de Gigas, Dominique Lierman, a dit dans une émission qu'on vous recommande, qu'en fait, il n'aurait pas dû se retourner, il aurait dû la remettre derrière pour que le défenseur assure la relance. Là, il était un peu gourmand. Il n'en fera plus. Bah, j'espère. Bah, c'est comme les chevaliers de Zodiac, ils font jamais deux fois la même erreur. Exactement. Puis on joue plus à Brest. Ah oui. Et il a aussi dit, Dominique Clermont, qui a aussi dit que François Galère a dû pester parce qu'il a dû sûrement le reprendre plusieurs fois au cours de sa formation sur ce genre d'erreur. Donc ça part pas très bien, mais on panique pas. On panique pas, on continue d'aller de l'avant. Brest, c'est vrai, alors, on va pas non plus se verser des yeux, on peut dire Brest n'est pas très bon. Oui. Bah en fait, quand tu vois le match, quand on était à 11 contre 11, tu comprenais pourquoi ils s'étaient pris 7 buts 10 jours avant, ou la semaine d'avant. C'était le week-end. Oui, c'était le week-end. Ouais. C'était un match en semaine. Donc, contre Montpellier, en plus. Hein. Ouais, Montpellier. Qui... Donc, tu comprends totalement, parce que les mecs, ils sont à la ramasse totale. Et même leur coach le dit, derrière Zakarian, il était là, ouais, non, mais derrière, les mecs, faut y aller, quoi. C'est mais pas possible. Ils savaient pas quoi faire. Il avait sorti Chardonnay parce qu'il était pas bon la semaine d'avant. Mais en fait, c'était son remplaçant Dari, je crois, qui a concédé le pénalty, qui était pas bon non plus. Donc, il a fait rentrer un nouveau Chardonnay. Donc, c'est vrai qu'il est rentré à la mi-temps. Oui, il est rentré à la mi-temps. À place de Dari, justement. Et donc, spoiler, Diarra obtient un penalty. Oui. Ouais. Oui. Incontestable, contestable. Discutable. Ouais, ouais, discutable. C'est léger, hein. C'est léger, ouais. C'est toujours pareil, il y a faute, il y a un contact. Oui, il y a faute. Après, il en rajoute. Mais s'il siffle pas, c'est pas un scandale. Non, mais après, après 5 minutes avant, il y a quand même Diallo qui s'est fait tirer loin. Ouais, là, mais c'est discutable. Là, c'est parce qu'il est plus nerveux. Il y a Ripon, le mec, il tombe sur les épaules. Mais après, c'est toujours pareil, tu siffles quoi? L'intentionnalité? Ou tu siffles pas parce que le mec en rajoute? Non, il n'y a pas besoin d'être intentionnel. Non, mais alors il y a faute sur Diallo. C'est pas, mais après, effectivement, je pense qu'il peut rester debout, hein. Alors. Il joue bien le coup, notre Mulhousien. Il est Mulhousien. Il est Mulhousien. Non. Si, il est Mulhouse. Mulhouse même. Bah, il a grandi à Mulhouse. Ou... Ah, je sais pas exactement. Écoute, on lui demandera. Bonjour. Et donc, Ludovic Ayorché. Qui a digéré son transfert. Son faux transfert, peut-être, enfin, je ne sais pas. Hein, on en parlera aussi dans la rubrique Mercato tout de suite après la pub. ne tremble pas et transforme. Le penalty parce qu'effectivement c'était pas le moment que Gamero le rate. ni à Jorque, hein, cela dit, hein, ni à Jorque. Là il fallait vraiment le mettre. Mais il y a une stat assez triste, hein, d'Ajorque, c'est seulement son troisième but en 2022. Hein. Ouais, ça fait. Je crois que le Jardin avait dit 3 buts en 24 matchs, un truc comme ça. Il y a le penalty contre Lens, hein, je crois, contre nos amis lensois, nos frérots, nos. Frérico, bien sûr, qui approche un grand frère. Ouais, qui est. Il y a un grand tifo qui est prévu. Tifo commun. Tifo commun. Ouais, tifo amitié, bien sûr. Le Osorne. Entre Consens. Ah ouais, non, ça. La Strasbourgeoise, hein, tout est prévu. Oui, d'ailleurs. Ah, ça va être une fête. Hein. On n'a pas parlé, personne n'était à Auxerre. Il n'y aura aucun perdant. Personne n'était à Auxerre, non, ici. Pas cette année. Parce qu'il y a eu ce moment atroce, genre, on ne veut plus jamais voir ça dans un stade de foot à la fin du match. Ah, les gens qui applaudissent. Le public auxerrois nous applaudit. Putain. Et des gens, mais alors là, je ne sais pas dans quel monde on vit, ils applaudissent en retour. Heureusement, j'étais là pour insulter les gens. Casse-toi, va violer ta sœur dans un bus, quoi, des trucs. C'est plus que ça. Non, on veut plus voir ça. On va pas au foot pour voir ça. Il y a des enfants. Et c'était par compassion. Je sais pas. Quoi, non, je pense que l'enchaînement, la défaite. Exactement. C'est pour avoir subi Furlan pendant 2 ans. Moi, je pense que c'est le Frérico général. On est tous Frérico maintenant. Merde. Est-ce qu'on on parlait de Brest? On peut refaire juste un petit flashback sur Auxerre. Non. Allez. Trop tard. C'est trop tard. Non. Un gros point. Si oui. Du coup, qui était? Quel show tu étais? Non. Personne n'était à Auxerre du coup. Si moi. Ah, tu étais à Auxerre. Oui. Parce qu'il y a eu cette rumeur à la fin sur les réseaux sociaux. Colomier a marqué. Ah, quelqu'un aurait craché sur Ajork. Ah oui. Qu'en est-il? Toi qui as enquêté. C'est Gigas, il est là derrière. Non. Il est bien placé, hein, parce que. J'étais là en face de Ludo, si tu nous écoutes. Bah, je vois, y a rien. Oui, mais à la fin du match. Évidemment, Ludovic Ajork. Les joueurs sont venus. Il va falloir assez saluer. La tribune visiteur n'était pas contente. Je pense que les joueurs n'étaient pas contents non plus. Et très rapidement, on voit Ajork qui fait demi-tour, qui s'énerve. Et alors, je ne sais plus qui, un de ses coéquipiers, le retient un peu, qui s'énerve un peu en mode, je suis pas content, ça va pas. Donc on se dit, bon, il s'est passé quelque chose. Et ensuite, on apprend aussi que quelqu'un lui aurait craché dessus. Et alors, pour avoir été là, Ludovic Ajork n'a pas dépassé les 16 mètres. Il était derrière les sponsors. Non, il était aux 16 mètres. Sur la ligne des 16 mètres. Donc, à moins qu'on ait un super héros qui arrive à cracher. Alors, a priori, il y a eu, effectivement, par contre, des insultes. Des mecs qui lui ont dit, si t'es, alors, j'ai entendu, on m'a dit, quelqu'un lui aurait dit, si t'es vraiment là, prouve-le, et sinon, casse-toi. Ah, donc, c'est vrai qu'il est venu, quoi. Mais donc, il n'y a pas du tout de crachat, c'est humainement pas possible. Les joueurs, ils sont quand même venus, mais bon, personne ne voulait s'attarder. Et après, là, je pense que l'incident est clos. Mais est-il vrai que c'est Doucouré qui l'a retenu? C'est-à-dire qu'on a un jeune qui, moi, c'est ce que j'ai entendu, hein, donc. Non, sur le coup, j'ai vu ça aussi. J'étais un peu j'avais pas envie d'applaudir un joueur, donc je discutais. Mais à un moment, dans mon angle de vision, j'ai vu qu'il y avait un peu un truc, et c'est là que j'ai vu un joueur qui s'énervait et qui était sur les 16 mètres. Et après, donc j'ai eu la même rumeur que toi. Mais bon, donc pas de crachat, peut-être des mots plus hauts les uns que les autres. Après, et quand tu leur as mis 3 triplés de suite, c'est rare. Voilà. Donc on peut revenir à Brest. On revient à Brest, but de Ludovic Ajork. Et justement, je profite de parler d'Ajork. Il a une petite déclaration à la fin du match. Allez tous vous faire enculer. sur son transfert raté, il reste au Racing. Il a dit, j'aime le Racing. Voilà. Mais il a pas dit lequel. Il a même dit, j'ai toujours aimé le Racing, oui. Je l'aime toujours. Voilà. Et nous, on aime Ludovic Ajork. Tout à fait. Toujours aimé. Bien sûr. Mais il a quand même fait barrer, il a dit dans l'interview, il faut aller juste. Et à un moment, il a le droit de se barrer aussi. Ah oui, j'ai pas dit qu'il avait pas le droit, mais quand t'aimes, tu pars pas. Ça dépend. Non, ouais. Je demande au président de la fédération. Et juste sur Brest, parce qu'on était sur Dira tout à l'heure, et il y a une action, on n'a pas parlé, je voulais juste parler rapidement d'une des actions, celle qui amène le coup franc tout à l'heure. Oui, je crois que c'est la meilleure action individuelle que j'ai vue depuis le début de l'année où il prend la balle, je pense qu'il est au milieu de terrain. Il met dans le vent au moins 3 joueurs qui reviennent sur lui. Il a encore la lucidité de faire un crochet de passé. Mmh. Et le mec fait faute à entrée de surface. Mais là, tu vois le potentiel. Enfin, surtout le fait que devant la surface, il arrive encore à éliminer les défenseurs. Mais il était attaquant jusqu'au U17. Hein. Je comprends mieux. Parce que ça, c'était un vrai truc d'attaquant. C'est l'action, on n'a pas le droit de dire du mal de l'arbitre, où il doit mettre rouge. Parce non, que c'est un défenseur qui peut intervenir derrière. Non, parce qu'il y a un défenseur qui prend le but. Non, pas du tout. Mais le mec de Marseille hier prend le but. Non, mais je fais un non, parce que c'est un petit ultra qui peut rentrer sur le terrain. Ouais, je pense plutôt que c'est ça. Là, vous êtes de mauvaise foi, c'est tout. Ah non, je suis désolé. Ah, sur la barre de Djikou, je suis d'accord. Mais T'as un défenseur qui peut fermer derrière, qui peut intervenir. Oui, ils sont deux. Il peut pas. Il est pas ce défenseur, ça fait but. Mais il était 15 fois plus près de Guiri que l'autre de Diarra. Mais à ce moment-là, on peut contester tout. Hein. Alors, mais oui, on est là pour ça. Mais sinon, ils cherchent des arbitres. Hein, messieurs, alors bien sûr, on n'aime pas, à Radio Stub, on n'aime pas critiquer les arbitres. ni personne d'ailleurs. Nous sommes amour, nous sommes tous frères. Nos frères. Nous sommes l'en soi. Nous sommes tous Racing. Tous comprendre. Mais il y a eu 2 expulsés à ce match. Oui. Alors. C'est un nom. Je sais plus dans quel ordre ça commence. J'ai une question militaire sur Percy. Parce qu'il faut quand même faire quelques questions militaires, ouais. Même si JB Darky, qu'on salue, qui nous écoute en live grâce au piratage des iPhones, la technologie qu'il sait faire comme dans les séries, il sait tout faire. Chez vous, quand vous écoutez Radio Shtoub, JP Darky vous écoute. Faites attention. Voilà. Donc, Guy Bell, c'est pas ça. C'était où? Bon, alors, c'est quelqu'un qui demandait, voilà, Ajax Fan, qui nous dit, bref, doit-on remercier l'arbitrage pour l'expulsion de Persic? Alors, c'est un petit peu taquin. Bah non. Mais ça me pose un peu les prestations demi-teinte de Persic depuis le début. Est-ce que Persic, à part son centre pour Diallo contre Nantes, il est pas un peu nul? il est pas au niveau de Percy de l'an dernier. Alors ce n'est pas le mais seul. Mais alors, est-ce que c'est pas parce que le reste du milieu est pas au niveau non plus? Oui. De Percy. En fait, c'est les matchs, moi, c'est les trois. L'année dernière, parce que avec Loré, Percy, il était pas ouf. L'année dernière, c'était ça. Ah oui, d'accord. Non, mais il était pas ouf avec Loré. Il jouait pas. Avec Stéphane, il a brillé parce que je pense que c'est, il y a la bonne organisation au milieu. La mayonnaise. Et là, comme ça, ça marche pas comme il faut. Et parce que t'as du mouvement devant aussi pour offrir des solutions. Aussi, ouais. Donc voilà. Donc, mais j'ai l'impression qu'il y a des, il y a rapidement des plans anti-Percy, hein. On leur fout des joueurs. Sais, on lui fout des joueurs sur la le dos. Dessus. Et... c'est quand même le seul capable de faire une passe décisive. Enfin, ouais. Seul, j'exagère, ouais. Volontairement, mais la passe décisive qu'il fait là. Je sais pas, un Thomasson, là, combien... c'est pas lui qui a le plus de passes décisives en dernier? Oui, mais c'est pas le même genre de passe. C'est Sissoko, enfin, je crois. Sissoko. Ah, il a dû en faire 5. Percy, tu fais les avant en passe décisive. Tu as le bon décalage, le bon moment qui permet le centre. Voilà, c'est ça. Ah, c'est comme ça qu'on dit dans la passe officieuse. Pour les stats. Bon, au niveau du match de Brest. Cette expulsion de Persic remet un peu en cause la bonne dynamique du Racing. Ça devient plus difficile. Mais non, vraiment, parce qu'après, on joue jusqu'à la mi-temps, on est bon. Ouais, après, c'est plus après, dur. Ouais, c'est plus dur. Ouais, même en deuxième, c'était encore assez maîtrisé, je trouve. Mais par contre, on jouait par contre la deuxième mi-temps, oui. C'est des ballons longs devant et Diallo, bon, bah, je sais pas faire un contrôle. Et après, je sais faire un contrôle, je fais un super centre, mais. Gameros, pas marqué. Mais les ballons sont bien amenés à chaque fois parce que c'est, ça gère une espèce de triangle et derrière. Oui, c'est pas un ballon de dégagement. Ouais, c'est, ouais. Un, c'est construit. C'est une passe. Ouais. Ça, je suis d'accord. Après, il y a ce truc un peu universel du foot où tu te retrouves à 10 et où, bah, fatalement, tu montres un meilleur visage. Mais... Plus de solidarité. Voilà. Mais sauf qu'à 11, on aurait gagné. C'est ça le problème. Bah, je suis pas sûr, hein. Bah, moi, je pense que c'est une bonne question. Quand on est à 11, on les domine totalement. Ah, ouais. C'est le Racing. Peut-être qu'à 9, on aurait gagné. Mais ouais, bah, et à 3. C'est pas ce match là. Ouais. On n'est pas Saint-Etienne. Hein. Saint-Etienne, c'était pris 3 rouges. Hein. On peut souligner aussi le. Moi, je trouve le plutôt bon match de Bellegarde qui a joué le bouche-trou. Bah, il a surtout beaucoup couru dans ce match. Oui, mais c'est ce qu'il sait faire. C'est ce qu'il sait bien faire. Ouais. Dans l'équipe type de l'équipe. Ouais, parce qu'il joue. Ouais, il a commencé latéral droit. Ensuite, il a joué 6, il a joué 8. Enfin, il est meilleur dans ce genre de match où là, bon, il est un peu dans des rôles où il doit être un peu chien fou à courir derrière le joueur. Alors que. Du coup, Brest, donc voilà, expulsion de Persich. Expulsion de Stéphane. Julien Stéphan. Bon, c'est anecdotique. Hein. C'est anecdotique. Ouais, c'est sur l'action du coup franc de Diarra d'ailleurs. Oui, je pense qu'il demande le rouge. Mais il sait qu'il doit prendre rouge. Bah, non, mais déjà, il s'est pris un jaune parce qu'il a râlé, parce que Diallo, il s'est pris une baffe dans la gueule et que... voilà. Il avait pris un avertissement verbal, il a pris un jaune et après, il râle encore. Alors, par contre, il y a quand même un truc que je veux dire, c'est que, en fin de compte, Stéphane, c'est le seul du Racing qui râle. Parce que, avant, Auxerre, on n'a pas parlé de la main du défenseur. Qui ne touche pas la main. Il touche pas la main. Non, il touche pas la main. Non. Ah bon? Non, ça touche les deux têtes. La main est juste à côté. Ah ça bon? Peut siffler. Mais là, factuellement, ça touche pas la main. D'accord. Non, mais je regarde. Vu une main, d'accord. Tu regardes sur Prime, tu zoomes, tu vois. Mais au pire, on s'en combien fout. Combien d'images en fait, on s'en fout de ce qui est juste ou pas. Mais en fait, le Racing, depuis le début de saison, j'ai pas vu un seul mec râler sur une décision arbitrale pour mettre la pression pour. Parce que ça sert à rien. Est-ce qu'il y a. Tu dis ça, mais tu regardes les autres matchs. Monaco, ils sont tous allés râler sur le mec. Oui, mais ça sert pas. Il y a Rokoras. C'est même contre-productif avec ça. Je suis pas sûr. Il y a Rokoras qui nous demande les décisions arbitrales. S'équilibre sur la saison mythe ou réalité. Mythe. Il a dit avec source à l'appui. Mythe. Est-ce qu'on peut reparler du hors-jeu de Satriano l'an dernier? En fait, on se souvient jamais des décisions en notre faveur. On se souvient toujours des décisions contre le Mounier qui était en jeu. C'est Satriano. Qui marque, mais je crois que c'est Mounier qui est en jeu. Ah, c'est. Ouais, sinon on parle du match de Lyon. Je ne sais plus si c'est une question Minitel ou pas. Si, voilà. Ultra 67, qu'on salue, qui nous demande à quoi sert Mr. Schneider, l'arbitre qui a rejoint le staff. J'ai l'impression que les arbitres nous négligent encore plus qu'avant. Bah, il sert à ce que les joueurs connaissent les règles. C'est pas plus mal. Ouais. Mais est-ce que ça marche? Avant Rouge de Persich, on n'est pas la seule équipe à pas prendre de rouge? Bah, on ne prenait pas beaucoup de jaune, en tout cas. Je crois qu'il y a une... Vous voulez prendre un carton? Vous voulez continuer cette série? En tout cas, mais sinon, on peut... On découvre la guillotine, la guillotine s'active. C'est les sables de canon. Ouais. De long. À quoi sert Monsieur Schneider? L'idée est bonne de prendre un consultant arbitral. C'est vrai qu'on sent pas tout de suite le. Oui, c'est. Voilà, Monsieur Schneider. Il a coupé la tête. Ah, là, en vrai, je pense qu'il intervient une ou deux fois dans la semaine, c'est pas non plus. Enfin, faut pas s'imaginer que le mec, est là, tous les entraînements, avec, voilà. C'est oui, comme ça, une ou deux fois dans l'année, hein, ça se trouve. Non, c'est pas. Non, mais il intervient aussi au centre de formation. Pour, voilà, pour que les jeunes apprennent les règles. Parce que c'est quand même un des rares sports où les joueurs ne connaissent pas, forcément, savent pas ce qu'ils font, ouais, c'est. Bah, trois corners, un penalty, non, c'est ça. Il faut intervenir qui pour que Diarra ne perde pas la balle au milieu de terrain, à la sixième minute, qui conduit à un but. Ah, bah ça, c'est pas, il faut peut-être faire venir, peut-être. Je pense que Olivier Lacour. Canal Football Club. Documentaliste. Bon, alors, donc, retour. Donc, bon, Julien Stéphan expulsé, anecdotique, mais qui renforce cette paranoïa du supporter strasbourgeois sur l'arbitrage qui est contre le Racing, car le Racing gêne. Et là, le Racing de Strasbourg. Non, mais il y a, en fait, il y a un complot contre tous les clubs. Oui. Est-ce qu'au moment où ton président va peut-être prendre les règles, les rênes, pardon, d'une fédé corrompue, sexiste, qui mange du chocolat au lait ou des choses comme ça. Bah, genre, c'est pas très humanisme. Où on préfère les blondes. Où on préfère les blondes aux transgenres. Et on est contre le télétravail aussi. Lisez l'article de SoFoot. Ouais, mais j'ai eu les meilleures feuilles. Les bonnes feuilles. Mais ouais, je crois que je vais l'acheter. Bon bref, et à ce moment-là, comme par hasard, tout le monde se fait expulser, tout le monde est blessé. Complot. Évidemment. C'est bizarre, quand même. Peut-être un moyen d'écurer le président de la Ligue 1 pour qu'il se consacre mieux à ce Si Marc Keller tombe de son balcon dans la semaine qui suit. Bah, je suis juste content qu'on n'ait pas en Russie, hein. Qu'on n'ait pas un gros. Il est pas à l'hôpital. Je suis pas, juste content qu'on n'ait pas un gros compte président comme Caillou, qui fait son complotiste, le président de Reims. De Reims. Ah, il a l'air. Il a pris cher. À Strasbourg, franchement, quand Jikou, il fait le plaquage. Désolé, la pénalty. Non. Il y a même tout s'équilibre, tout s'équilibre. Ouais, mais il y a même pas feu. Ah oui, il a même pas feu. Quand c'est contre c'est nous, c'était Buquet, non, l'arbitre. C'est pas. C'est lequel on gagne jamais. Là. La vidéo va continuer d'appauvrir le niveau général de l'arbitrage, mais il y a pas. Je sais pas qu'on soit plus désavantagé que d'autres. Non, ce qui appauvrit le niveau de l'arbitrage, c'est que t'as pas de renouvellement. Enfin, quel jeune aujourd'hui veut encore faire de l'arbitrage? Mais attends, mais Schneider, je pense qu'il y en a, mais. Ouais, non, mais t'as sa carrière, lui, parce qu'il. Le texte, il est pas très vieux. Il a 43, 44 ans. Mais il veut encore courir, non? Oui, mais s'il veut ça, pas. Ça, c'est courir jusqu'à 50 balais, non? Non, mais c'est vrai qu'en plus, tout ce climat autour des arbitres, on se rend pas compte, mais ça a des grosses répercussions au niveau amateur. Enfin, tu t'en sais oui. Quelque chose. Des agressions d'arbitres, t'en as tous les week-ends, parfois graves. Il y a 30 ans. Mais il y en a plus aujourd'hui. Non, non, vraiment, il y en a plus aujourd'hui. Et des fois, ça peut être très grave. Ça peut être des tentatives de meurtre, hein, quasiment. Enfin, des arbitres en Jean-Pazin qui sont agressés au couteau. Voilà. Non, mais plutôt tes sons. Et du coup, bah, tu assèches la source parce que, bah, aujourd'hui, il faut être fou pour devenir arbitre, en amateur. Et puis, il y a des choses dont on entend parler depuis longtemps et au final, on sait pas quoi. Enfin, par exemple, la sonorisation des arbitres, c'est un truc. Mais ça, il le faut. Putain, ah oui, c'est... oui. Ça fait tout le monde dit qu'il le faut depuis 10 ans, et puis c'est toujours pas le cas. Le meilleur souvenir de ça, c'est quand même Brandao, quoi. J'ai pas touché. Pas ça, oui. Ouais, mais à mon avis, le gros problème de la sonorisation des arbitres, c'est qu'on risque de se rendre compte que les joueurs sont un peu tous un peu cons, un peu débiles. Et... Mais ouais, mais à côté de ça, tu peux parler dans la rue. Non, mais après, tu peux ça humanise les arbitres, parce que tu te rends compte comment ils prennent leur décision. Non, mais il y a une empathie pour l'arbitre, ça, je suis d'accord. Oui. Et aujourd'hui, ça existe. Ouais, mais le fait que la décision finale revienne plus à l'arbitre, que ce soit l'arbitrage vidéo qui est derrière, ça sape aussi son autorité en tant que, tu vois, en tant que patron un peu du match, quoi. Et c'est vrai, t'as tous les mecs qui font le signe de la télé, là. Bah, c'est ça, mais. Ça, non, c'est carton jaune. Hein. Le mec, même le carton. Non, mais dans les règles, là, un joueur qui se hisse la VAR comme ça en faisant le signe de la VAR, normalement, c'est carton jaune. C'est jamais donné. Mais normalement, c'est carton jaune. Alors que tennis, tu peux solliciter la VAR, pas de carton jaune. Ouais. T'as le droit à un nombre limité. C'est pas trop le même sport. Comme au américain. Bon, alors, recentrons le débat. Brest. Donc Brest, bon, final, donc 1-1. Stéphane a bien résumé, c'est une victoire dans l'état d'esprit. C'est une victoire qui rapporte un point. Voilà, donc c'est une victoire de merde. Nous, dans l'état d'esprit, on a 18 points. Alors, je sors les archives de Radio Stube. Car pour le premier Radio Stube de la saison, les Radio Stubistes présents sur 5 avaient pronostiqué sur les 5 premiers matchs. Donc on s'arrête à Nantes. Alors je les cite. Hein. On a pris 3 points. Roulian, voilà, donc contre Nantes. Nice. Reims. Après, au soir du match contre Nantes, nous avions 3 points. Oui. Roulian, 8 points. Bravo. Attends. Attends. 15 points. Oh on dirait l'Eurovision, là. Lucky, 12 points. Oh Gigas, 8 points. Et Keaton, 3 points. Monsieur Panelfoot. Bravo, bravo, Keaton. Franchement, c'est un mec qui devrait faire de la télé. Ouais. Toi aussi, d'ailleurs. C'est pas mal. Donc voilà, donc. Forcément, le bilan est inférieur à nos attentes. Il faut des coupables, il faut des guillotines. Et la première personne à laquelle je pense, c'est le préparateur physique. Ah. Maillot, Dupont. Dupont Aignan et Bayeux. Florent Bayeux. Guillaume Jaillet. Ils sont trois en plus. Si je vais dans mon PMU préféré à Aubernais, j'entends les gens dire oh, mais le Racing, ils tiennent même pas debout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couru sous le soleil, ça va pas. Mais ils vont rétro là, mais ils sont surpayés. Ils n'ont même pas couru. Mais qu'ils aillent à l'usine. Nous avons. Mais Yenard, il allait à l'usine. Il allait au super chaud. Non, il a aussi fait l'usine, il a dit dans les interviews. Nous avons les stats, enfin la liste des blessés. C'est ça, tu avais compté. J'ai listé tous les joueurs qui ont manqué quelques minutes ou au moins un match. À cause de blessures. Alors, j'avais mis Thomasson dans le lot, mais c'est pas passé à la conférence d'avant rédaction. Donc. Alors Kawashima qui va être blessé. Sinon il y avait Dagba, Fila, Pierre Gabriel, Le Marchand, Niamsi, Perrin, Delaine, Sissoko, Candil, Liénard et Motiba. C'était l'équipe contre Clermont, ça, je sais pas si tu dis. Donc tous ceux-là ont manqué au moins un match depuis le début de saison. Sans blessure. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça coûte cher à la sécu, ça, non? En plus. En plus, je sais pas s'ils sont affiliés au régime alsacien. Si. Il parle encore du trou de Sadi, là. Edgar Groff. Ouais, mais ça, c'est une maladie. Donc, ça fait beaucoup de blessés. Ça, déjà, forcément, la compo Monsieur Bricolage, on l'a dit. Mais qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, on nous a vanté le groupe restreint et on a eu très, très peu de blessés. Mmh. Même peut-être trop peu. Est-ce qu'il y a une décompression des joueurs qui ont été trop sous pression l'année dernière, qui ont tout l'année dernière et qui finalement, payent un peu physiquement cette année? Est-ce qu'il y a un problème de préparation? Est-ce qu'il y a un autre problème? En plus, c'est pas des traumas. En fait, c'est pas des blessures suite à des chocs. Musculaire. Oui, c'est musculaire. À part Le Marchand où c'était pour le coup vraiment trauma. mais la plupart, oui, c'est musculaire en fait. Donc ça pose question. C'est effectivement la préparation peut. Et là, on est d'autant pas perdu, c'est qu'ils sont quand même assez concentrés sur le secteur défensif, quoi. La ligne de défense. Est-ce que j'ai une question, Minitel, là, sur le secteur? Je pense qu'il y a aussi une blessure psychologique, hein, parce qu'il y a quand même une Coupe d'Europe qui a été ratée, même si c'était pas l'objectif. Ouais. Ça l'est quand même devenu. Donc je pense qu'il y a aussi tout ça à digérer et que c'est pas forcément évident pour. Voilà. Super Dohu, qui nous dit le nombre de blessures musculaires élevé cette saison. Peut-il provenir d'une préparation trop intense ou mal adaptée aux conditions climatiques? Est-ce que c'est la faute des jets privés? Mais a priori, c'était la. Alors, ils ont peut-être un peu forcé certaines charges de travail par rapport à l'an dernier, mais en termes de nombre de matchs amicaux, en termes de séances, c'est à peu près la même chose que l'an dernier, finalement. C'est juste les conditions de travail sous le cagnard. On a fait un match à 13h à Donaueschingen. Bon, il faisait que 32 degrés, hein. Mais c'était en plein cagnard. C'était pas grand chose pour cet été. Beaucoup en temps normal, mais c'était pas grand chose. C'était minimal. Moi, j'y étais quand je suis rentré en Alsace, il faisait 39, donc tu le sens quand même. Ouais. Mais ouais, il y avait des entraînements qui étaient en plein cagnard, donc c'est pas toujours très adapté. Est-ce qu'il y a un peu y avoir un lien avec la Coupe du Monde dans le désert? Est-ce qu'on s'est dit, vu que la première partie est ramassée, on va se préparer pour avoir être plus fort pour commencer plus fort et après en se disant on va pouvoir récupérer pendant la trêve parce que la coupure hivernale sera plus longue du coup. Est-ce que ça a déstabilisé peut-être l'effectif ça dure un mois et demi ouais en novembre novembre 28 décembre ouais. Oui on va à Paris le 28 décembre ouais. Mais les programme des préparateurs physiques manque quand même un petit, enfin ils ont un manque de recul sur des organisations comme ça. Je pense qu'ils ont aussi essayé de prévoir. Tu sens qu'ils ont tenté quelque chose. Je pense que ça n'a pas été forcément. C'est l'improvisation. Non, mais c'est pas du hasard. Enfin, Grégoire Dupont, les docteurs, il a pas de plus suite en préparation physique. Les deux autres prépas, ils sont en master en STAPS. Enfin voilà, c'est pas des. C'est pas le mec en survêt avec le sifflet qui fait faire des tours de terrain. Oh. Et boire du jus de pamplemousse. Laissez Giver rester. Mais pas faire boire du pamplemousse. Mais c'est pas que c'est au hasard, c'est pas ça. Mais c'est quand même une saison qui est inédite, qui vraisemblablement ne se reproduira plus de sitôt. On espère. Oui, il y a des compressions. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a été tenté. Non, mais je parle cette saison. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a été tenté. Tu peux rajouter effectivement la décompression derrière. Ah, là, il a. Et puis, du coup, il a une blessure. Il y a la fuite chez moi. On a eu un incident. Merde, je vais refaire la même chose. Putain, bien, prends mes notes. On va les noyer. Non, mais continue l'émission. Le direct continue. Chamos gone. Peut-être la reine n'est pas morte. On va pas arrêter l'émission pour ça. Donc on était sur les blessés. Voilà. Ouais, mais de toute façon. Je sais pas si c'est grand chose à dire parce que. De toute façon, on peut rien faire maintenant. Bah oui, c'est ça. On a juste à subir. Ou après, est-ce que c'est pas juste un manque de chance tout simplement? Enfin, c'est. Ouais, aussi. Il y a ça aussi. L'an dernier, on avait quasiment pas de blessures et cette année, Après. Ce qui est sérieux, c'est vrai aussi, c'est qu'on a toujours quand même ce modèle, depuis en tout cas 2-3 ans de groupe serré, on va dire. Oui. Ça, c'est une des contraintes budgétaires. Hein. Pas forcément, mais ça avait été mis en avant, donc. Non, mais tu peux ne pas avoir, je sais pas, 4-5 mecs à 100 000 euros et en avoir plus à des salaires. Enfin, c'est un choix quand même. C'est quand même budgétaire. C'est budgétaire, mais ton budget, tu peux. T'as masse salariale, il y a des clubs qui ont la même masse salariale que nous, qui ont peut-être de moins gros salaires et un groupe plus étoffé. Mais c'est parce qu'on a un groupe restreint que ça se voit plus. Si ça se trouve, oui. J'ai pas regardé vraiment les autres clubs. Et t'as peut-être d'autres clubs qui ont 6 blessés à chaque match, mais ça se voit pas parce qu'ils ont plus d'effectifs. Chelsea, soit Nice. Ouais, là c'est Nice, Monaco. Nice qui a 15 milieux de terrain dont 3 que l'entraîneur ne reconnaît pas. Enfin, oui. Là tout le monde se connaît. Quand t'es à 15 dans le jet privé, dans le train. En voiture bar. Et en plus de ça, en plus des blessés, oui, t'avais encore un peu les effets de. T'avais Ajor qui était un peu porté disparu parce que voilà, il était pas dedans. Il y avait blessé mentaux. Blessé mentaux, oui. Il était pas titulaire. Hein. Toute l'équipe était blessée mentalement, je pense. Tu rajoutes en plus ceux qui veulent se barrer, ça fait quand même. Qui ne blesse pas. À part Djikou et Ajor. Bah personne. Personne. Pas. Là, ça en fait deux quand même. Ça fait deux éléments essentiels. Surtout Ajor, comme je trouve. L'an dernier, les matchs, il y avait des matchs avec et des matchs sans Ajor. C'était compliqué quand il n'y avait pas Ajor. Et puis. Je ne connaissais pas cette bière. Ouais, Diallo, tu sais pas non plus s'il voulait pas partir, Sissoko, Gaga. C'est pas pour me faire mousser, mais. Ouais, c'est l'année. Bon, on parle de mercato, du coup. Voilà, donc du coup. Concomitant à toutes ces blessures, il y a aussi ce mercato un peu terne. Alors on va commencer par les arrivées vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Bah par rapport à la dernière émission, il n'y en a pas eu d'arrivée, je crois. Colin était déjà là. Oui. L'arrivée de la pluie. C'était très bien, belle recrue. Non, il n'y a eu personne. Il n'y a pas eu d'arrivée. Il y a failli avoir des arrivées. Est-ce qu'il y a vraiment failli avoir des arrivées ou est-ce que c'était juste du journalisme? Alors, de toute façon, la politique du Racing sur ce mercato, c'était simple. On ne recrute que pour remplacer les joueurs qui partent. Mais on n'a pas remplacé Waris. Non. Mais il était pas là, l'an dernier, Waris. Si, par Motiba, on l'a remplacé par Motiba. Et Motiba, elle était là depuis de saison. Rien, je suis désolé. Mais par contre, dans les derniers jours du mercato. Et Saï, il est parti. Ouais, soyons sérieux. Dans les derniers jours du mercato, il y avait une possible entorse à cette règle que Racing s'était fixée. On avait ouvert la porte à éventuellement un recrutement d'un milieu offensif, pour amener un peu de création. Le poste qu'on cherche depuis 3 ans. Voilà. un peu plus haut, a priori. Et c'est pour ça que, par exemple, on avait entendu parler d'Alexis Claude Maurice. Qui avait 3 prénoms. Donc ça, c'était. Mais c'était parfait pour Racing. Le recrutement de Pierre Gabriel, c'était parfait. Ça faisait 6 recrues, ouais. C'était bon. Donc qui a plus joué depuis 2 ans quand même, je crois que depuis il s'était blessé contre nous et après il avait encore joué en Coupe d'Europe. Oui, exactement. Oui, il revenait un peu. Mais je crois que c'est l'année où c'est l'avant-dernier match de Thierry Loret, hein, si je ne m'abuse. Hein. Mitrovic le sèche et puis il se pète. Je sais. C'est la fois où on gagnait Nice, ouais. Oui, l'avant-dernier où on assure quasiment le maintien. Ah, sur la tête, enfin, à jour que Oui, qui met deux. Et du coup, le week-end avant le dernier jour du mercato, ça s'est fini le jeudi, donc c'était... Jeudi 23h. Jeudi 23h, c'était le dimanche en tout cas. Je sais que ça négociait pas mal pour Alexis Claude Maurice à ce moment-là. Notamment une personne haut placée dans le recrutement qui téléphonait au match U19. Il s'agit d'Ator. qui était au téléphone match U19 et qui parlait, quoi. Voilà, on entendait bien. Il avait utilisé un nom de code, il disait Stéphane Guy, Guy Georges, non, je crois pas. Et donc, on a essayé Alexis Claude Maurice, effectivement, mais il a préféré aller à Lens, tout simplement. Après, c'est la même chose. Il y a le Racing. Peut-être qu'il s'est trompé, hein. Il voulait Strasbourg, ça finit à Lens. Après, il y a eu, forcément, il y a des agents qui ont proposé des joueurs un peu au dernier. On a proposé Waris, qui n'avait plus de contrat. Bah, qui avait signé à Chypre. À Chypre, c'est ça. On a eu beaucoup de presque départs et beaucoup de presque arrivés. Ouais. Mais, comme souvent en fin de mercato, quand t'as des joueurs qui sont un peu, des clubs qui sont un peu ouverts, t'as des propositions. Il y a eu notamment Yacine Benraou qui avait été proposé par ses agents au Racing, le 31, le joueur de Nantes. Refus de Stéphane. Ah, catégorique. Voilà. Parce que Stéphane refuse aussi des joueurs, notamment un arrière-droit qu'on pourra peut-être parler, qui était refusé par Stéphane. Bah, vas-y. Bah, un certain Frédéric G. Attends, j'ai une question sur Frédéric G de Birmingham. Peux-tu me dire, c'est le mec de Auxerre dont on parle. Jonathan G. Alors, c'était Frédéric G en plus. C'est Yves Vecchio qui nous demande, est-ce que Gilbert a été recruté comme radio-chutubiste? Ah. Est-il là? Est-il là? Alors, il n'est pas là, à moins que quelqu'un... Et c'est la roulade. Eh non. Voilà, il y a une autre question qui dit, c'est Calvin Hobbs 3. Ah non, c'est Sigur Calvin Hobbs 3, c'est son avatar. C'est dommage, ça aurait été drôle comme ce nom, je trouve. Et sinon, l'équipe Radio Shtoub peut-elle nous faire une galipette avant radiophonique en guise d'hommage? Tout à fait. On l'a raté. Alors, il nous faut Perrin quand même. Hein. Oui, mais on peut le faire. 3, 2, 1... C'est pour toi, Sigur, hein, bien sûr. On recule devant rien. Envoyer des sous. Hein, à l'arc. À l'arc. Oh. Voilà, revenons donc. Donc Frédéric G, refusé par Stéphane. Donc c'est. Alors c'est un choix de Stéphane. Il voulait plus Gilbert. Hein. C'est pas. On nous a. C'est pas Mozart qui continue à presser le mec en face. Après, peut-être que Stéphane n'en voulait pas aussi par rapport à des considérations économiques. Mais en tout cas, est-ce qu'on lui avait pas dit. Mais non, mais est-ce que c'est pas. Si tu fais. Si tu prends pas Stéphane, t'auras nos joueurs. En fin de mercato. Ouais, il y a peut-être ça aussi, oui. Parce que Stéphane n'a pas insisté pour faire Gilbert, parce que sinon, s'il avait insisté, on l'aurait fait. Après, la réalité, c'est qu'on a quand même deux arrière-droits. Qu'à un moment donné, quel est le projet de concurrencer le PSG en ayant 15 arrière-droits? Ça n'a plus de sens non plus. Non, mais Gilbert, c'est un arrière-droit du PSG. On va pas non plus faire le débat sur Gilbert, c'est bon. Mais si, faut le faire. Il faut que sur les réseaux sociaux ça s'arrête. Parce que ceux qui prennent Gilbert pour Zidane, ce n'est plus possible. Si, faisons le débat, Gilbert. J'ai l'impression qu'il y a plus de mecs qui disent qu'il faut arrêter le débat sur les réseaux sociaux que de mecs qui le font. Et en disant qu'il faut l'arrêter, ils l'alimentent encore plus. Ouais. Mais justement, il y a des clubs de Ligue 1 qui cherchent un arrière droit cet été, personne n'a pris Gilbert. Hein. Mais oui, parce qu'il est en train de faire 3 millions. On peut quand même être surpris, ça, quand même. Parce que bon, il a quand même une certaine qualité, quoi. Dans la situation de Racing, je l'entends, mais aucun club de Ligue 1 qui soit relégué à... Mais c'est un poste de merde, personne ne veut jouer ça, à part moi, à l'époque. Non mais c'est vrai, enfin, tu dis ça en déconnant, mais les clubs, je pense, réfléchissent à mettre plus de ressources sur un latéral que sur... Mais alors est-ce que niveau salaire, ça coince pas? Parce qu'à un moment donné, si tu mets tant et tant pour un titre comme ça... Ouais, et pour un latéral, parce que... Je pense que dans la hiérarchie d'une équipe, tu c'est l'attaquant qui est attaquant, tu vas pas mettre 100 cas sur un latéral, quoi. Oui. Bon. Bah, c'est parce qu'on aurait mis Kenny Lala. Bah, c'est ce qu'il demandait. Là, pour venir, là, il demandait 100 cas. Bah, je pense qu'il était, il doit être à 130, 140 à Aston Villa. C'était ça l'ordre de grandeur. Ou plus, peut-être. Mais je pense pas que, il aurait pas divisé par deux. C'est irréaliste. Bah oui. Après, si tu veux jouer au foot ou tu peux pas jouer au foot, c'est... Ben, la fois, il avait choisi à l'époque. Je joue pas au foot. Il a joué. Voilà. Donc, Mercato, donc voilà les venues. Et est-ce qu'il y a un autre, il n'y a pas de joueur qu'on n'a pas fait pour une raison différente? Le Canet, là, pourquoi on l'a pas fait? De Maguet? Ouais. A priori, on avait un accord avec le joueur. Enfin, sur la base du contrat. Et pas forcément avec Caen. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Olivier Piqueux, le mec là. Ah, Piqueux voulait peut-être son chèque. Ouais. Comme d'hab. C'est une nuit de vie qu'ailleurs, c'est ça. Ouais. Mais là, concrètement, on pourrait toujours prendre un joker médical, parce que si ce corps non, non, ça existe pas. Non, t'as le droit de signer un joker, pas médical. Un joker, t'as le droit de signer un joueur qui joue en France. Il faut pas qu'il y ait un blessé. Si, tu peux faire. Tu peux faire. Mais il faut pas qu'il y ait un blessé. Non. Faire un transfert, non. Tu peux faire un transfert. Les vrais jokers. Lorient. Nice a été concerné, je crois d'ailleurs. C'est Lorient. C'est surtout Lorient. Lorient fait Kathleen de Guingamp. Ils l'ont payé 3 millions d'euros après le mercato. C'est dommage qu'on l'ait pas pris. Hein. On aurait pu derrière prendre la barbe. Ça faisait une attaque météo France. Oh là là. Pas mal. Et pas de bon. Donc, ouais, Jesse Demarguet qu'on annonce depuis longtemps au Racing. Donc il y a aussi un joueur qui a priori aurait pu venir si Djikou était parti à Hoffenheim. Alors c'est le joueur lui-même qui a déclaré ça dans les médias polonais. C'est le joueur qui a finalement signé à Clermont. Non, c'est le joueur qui a finalement signé à Clermont. C'est Vitesca. Vitesca Diadora, je pense, c'est ça. Plutôt rapide. Mateusz Vitesca qui a finalement signé à Clermont. Il a dit dans les médias polonais que il était en contact avec le Racing à mi-juillet. Et que ça s'est finalement pas fait. À cause de Djikou. A priori, je pense que c'est ça. Ça correspond. Mais en tout cas. Il aurait été pris pas pour jouer titulaire, si. Bah, il est titulaire à Clermont, il fait un bon début de saison. Ouais. Moi, je pensais que le remplaçant de Djikou, c'était du coup. Ouais. Mais. Bah, alors, on peut un petit peu parler de Ismaël Doucouré, c'est ça, je crois. Oui. Qui a ses fans et ses détracteurs. C'est vrai que physiquement, il y a quelque chose de Bakary Koné. Hein, sauf que. C'est vrai qu'avec Barrester, qui est Pierre Gabriel, Doucouré, qui est. Faut arrêter de juger. Sur la coupe des cheveux, parce que là, c'est le point commun. Non, non, mais l'autre fois, il a raté une intervention comme ça. Je m'attendais à avoir Mangan à côté, mais non, c'était le marchand. C'est pareil, non. Bon, oui, donc, du coup, Doucouré qui montre des choses intéressantes, mais qui fait aussi des. Mais des jeunes. Des boulettes. Mais pas le pied, il est exceptionnel. Franchement, à son âge. Il y a un truc où il est nul. Les duels aériens. Les transversales. Il sait pas faire une passe longue. À chaque fois, il balance dehors. Ah. Mais il serait plus au Racing s'il savait faire ça. Il a 19 ans. Par contre, pour jouer sous pression. Ouais, T'as l'impression qu'il prend des risques, mais il maîtrise quand même. Ouais, techniquement, il est bon. Le mec, il est. Après, l'année dernière, son premier match, c'était Brest. Il était rentré un peu sous la pression. C'était pas ouf. C'était compliqué. Mm. Mais là, franchement, non, c'est même pas mal. Mais quel est le projet avec lui? Parce que concrètement, il part pas comme un titulaire, mais il faudrait quand même qu'il joue, quoi. Oui, mais c'est un 2003, hein. Il a 19 ans. Ouais, mais bon, il faut quand même. Je pense qu'il est quatrième dans la hiérarchie des trois défenses. Enfin, il y a trois centraux. Ça va tourner. Avec les blessures, s'il y a des blessures. On ne sait jamais, peut-être qu'en quatrième, il y a Djikou, le marchand, Niamsi, et t'as encore Perrin. Perrin, effectivement. Bah bon, il est meilleur que Perrin. Je pense que déjà là, il est meilleur que Perrin. Est-ce qu'il fait les roulages? Franchement, l'an dernier, Perrin, moi, je. Ouais. En début de saison, cataclysme. Et depuis, j'ai rien à dire sur ce mec-là. Mais là, il fait son boulot. Bah, t'as le sentiment qu'il donne un rendement meilleur à ce qu'on pourrait attendre de lui, quoi. Enfin, Perrin joue à 100%. Oui, voilà. Voilà, c'est possible. Mais, moi, je peux pas. Il y a 0% actuellement. Ouais, c'est yaourt, hein. Alors. Non, mais après, moi, je sais pas avec où on va le croiser dedans, parce que aujourd'hui, on est short en défenseur centraux, mais il joue. Tu vois, Le Marchand, Perrin, Djikou, Niamsi, Doucouré. Rien n'est blessé. Il n'y en a aucun actuellement, en fait. Oui, je sais. Actuellement, c'est Pierre Gabriel, c'est Ajorque en défense centrale. Et même parler de Aolu en défense centrale, dans la conf de Brest. Mais Pierre Gabriel qui est incertain. Niamsi qui revient pas. Mais, Alex, tu voulais. Non, mais je voulais juste simplement dire que sur le mercato, c'est vrai que j'ai un tout petit regret, c'est effectivement, t'entends parler tout à l'heure, hein, ce profil un peu relayeur ou peut-être milieu plus offensif, en tout cas un milieu un peu plus copain avec le ballon. C'est vrai que le Aoulou qu'on a connu au premier passage, le Youssouf Fofana qu'on pouvait avoir, même à la rigueur le Sissoko qu'on l'a eu, on a l'impression qu'on n'a pas ce poste-là dans l'effectif. Et en même temps, tu te rends compte que si on reste dans ce système-là, on a Persic qui, quoi qu'on en dise, va être plus ou moins titulaire indiscutable. T'as Thomasson qui est un des cadres de l'équipe, c'est-à-dire qu'il reste une seule place. Derrière, il faut cette place-là, il faut ça partager entre Bellegarde, Sissoko, Aoulou, tu peux inclure Diarra là-dedans. Tu te retrouves avec 4-5 joueurs pour, entre guillemets, une place. Et alors, ça, c'est mon avis, mais j'ai l'impression que sur les 4-5, on n'a aucun qui coche toutes les cases, quoi. Oui, et on n'a pas de deuxième Thomasson. C'est, en fait, c'est le profil de Thomasson qui manque un peu en double. Non. Mais il y a quand même. Moi, je verrais plus. Ouais, il manque un Fofana ou ouais, un J ou un Aou. Ou un Aou, premier passage, quoi. Jordan Robinan. Peut-être. Qui était sur la feuille de match. Exactement. Non, mais il manque. Ouais, tu vas encore faire jouer un 2006, là, je sais pas quoi. Non, c'est un 2003. C'est 2003. Ou moins Diarra avec plus de bouteilles, en fait. Parce que le remplaçant de Thomasson, je crois qu'il revient de blessure, là, non Cornille. Ouais. Donc voilà, tu vois. On l'a pas prêté, donc a priori, on l'a. On va voir. Donc bon, Mercato, donc là, on est côté arrivé, c'était assez bref, même si vous avez réussi à faire 20 minutes dessus. sur les départs. Voilà, les départs et les faux départs. Bon, les départs, on n'a rien à bouger depuis le départ. Si, Bingourou Camara. Bingourou Camara, mais bien sûr. Qui relance sa carrière. Kangourou Birmara, qui va signer dans la magnifique L'Occitanie. Jean cette cité de béton et de béton et de sable qui est Montpellier. Il retrouve Jean-Yves Ours. Jean-Yves Ours, hein, c'est lui qui va le chercher. Hein. Voilà, c'est lui qui va le chercher. De l'histoire. Bah, du coup, il passe de numéro 4 à Strasbourg à numéro 3, mais il a pas joué l'autre fois. Non, mais il est blessé. Berthaud, ouais. Après, Camara, il est pas mauvais. Le seul souci, c'est quand le ballon est cadré. Après, à part ça, ça va quand même. Ah, mais. Il nous a permis de gagner la Coupe de la Ligue. Il nous a permis de gagner la Coupe de la Ligue. Non, sans boulette, hein, mais bon. Donc c'est une belle histoire qui prend fin. Et d'après les DNA, a priori, on n'a pas résilié le contrat. On a touché un petit quelque chose. Genre de quoi payer un petit resto à Nicolas. Ils ouvrent une buvette pour le déplacement à Montpellier. Donc voilà. Oui, alors après, il aura passé 4 ans. 6 ans. Quand on monte en Ligue 1, donc 2017. Sans jouer la moitié de la saison, je crois pas. Et l'arrivée en tant que numéro 1, jeune titulaire. Ouais. Futur espoir. Bon. Futur Mike Maignan. C'était. Mais il aura fait quoi? Même pas 40 matchs ou à peine? Je crois. Il y a un match contre PSG, mais il fait même pas 40 minutes d'ailleurs. On me rappelle de ce match-là. Non, il doit faire 17 matchs la première saison. Ouais, parce qu'après c'est Oukidja. Ouais. À partir de décembre. Et après la saison Covid, quand Seul se blesse, il fait quelques matchs aussi. Et après c'est Kawa. Plus la Coupe de la Ligue, plus la Coupe de France, plus l'une ou l'autre. La Coupe d'Europe, AIFA. Excellent site pour recenser les statistiques, je crois. Attends, je vais voir, on expecte une gueule à chaque fois qu'on prend une occasion. La première année, en décembre, je me souviens d'un match contre le PSG, celui où on bat le PSG. Il fait le début du match, c'est Oukidja qui finit, le fameux malaise. Bah oui. Il fait le malaise, après c'est Oukidja. Et après Oukidja, il est mort. Et après c'est bonne foi. À Metz. Il fait un bon match à Metz. Il fait un bon match, mais il se prend quand même deux buts de Nolan Roux et de Manuel Rivière. Ah non, c'est pas ce match comme. Non, c'est la Rivière. Oui, c'est Rivière. Oh non, c'est. Oh, j'ai plus vraiment que j'ai perdu un œil. Donc, champagne pour le départ de Bingourou. Et donc, Bingourou, c'est le seul départ effectif. Hein, parce ouais, que j'espère que ça va. Parce que les, il y avait deux autres joueurs qui devaient partir, ouais. 27 plus 5, 32 plus 7, 39, 40. 40 matchs officiels. Ouais, mais là, tu comptes les coupes, avec. Ah oui, les coupes en Ligue 1, 27. Normalement, quand tu comptes les apparitions, il a des stats absolument ridicules, hein. 0 but et 0 passe décisive. Enfin, c'est un peu le high-kill game à Ligue 1. Ouais, c'est vrai. Voilà, mais bon, il y a deux départs qui nous ont plus préoccupés et qui nous ont peut-être un petit peu complexifié le début de saison. C'est Alexander Djikou, dont on a longuement parlé. Ça n'a pas beaucoup évolué, mais il aurait peut-être pu partir. Bah, sur le dernier jour. Parce que le jeudi premier. Attention, il y a un incident de. Encore. Racicole. Chier cette putain de bière de merde. Attends, je vais là pour se faire mousser. Donc, effectivement. C'est peut-être ce qui a été dit aussi, mais ouais. Sur Djikou, en fait. Ça me fait chier, là. Ah, tu devrais pencher parce que là. Oh, oh putain, mais là. Respectons les auditeurs. Respectons les auditeurs. Bah, il a bien mousse là-dedans, il se noie. Donc, Djikou. Donc, il aurait pu partir le jeudi 1er septembre. Oui. Ses valises étaient prêtes. 28. Ses valises étaient prêtes parce alors, que. Qui avait surveillé les avions, les jets, là? Ou Charabouane. J'ai regardé de temps en temps, le dernier jour sur Flight Radar. Mais t'étais à Ensa, je suis sûr. Non, j'étais au bout. Avec les lumières. Mais l'objectif, c'est qui sort de la hache. Donc du coup, sur ce dernier jour, qui est toujours un gros n'importe quoi, effectivement, le Racing a eu une offre pour Djikou. Offre qu'il a acceptée le matin. 60 millions de livres. J'ai pas le montant. À condition que le Racing trouvait un remplaçant. Donc il a essayé de faire plusieurs... Bon, si c'était 60 millions, je pense qu'il n'y avait pas de conditions. Ouais, parce que là, il partait tout de suite. Hein. Je comprends pas pourquoi ça dure 2 mois le mercato, franchement. Et tu dure ça un jour. Hein. Non, c'est bah, oui, bon, tu fais ça comme une série Netflix. T'as mercato bin, binge mercato. Mais du coup, ouais. Et du coup, Djikou avait les valises prêtes, mais le Racing, finalement, bah, au milieu de l'après-midi, s'est rendu compte qu'il ferait pas de remplaçant. Et notamment Sinali Diomandé qui avait été essayé le Lyonnais. Finalement, qui devait signer partout, hein, qui a signé nulle part. Un peu comme Bamba Dieng, voilà, qui devait signer partout, qui a signé nulle part. Ah bah, ouais. Alors apparemment, c'est une blague, l'histoire de Bamba Dieng. Bah, le truc de l'aéroport à Nice. Non, mais franchement, il s'est pas fait enlever par des extraterrestres, non, à la fin, parce que tout ce que j'ai lu sur ce truc-là, c'est n'importe. Mais du coup, ouais, voilà. Donc, du coup, offre accepté par le Racing en condition de trouver un remplaçant, pas de remplaçant, donc il est resté. Il a dû défaire ses valises. Mais il s'est remis dans le bain assez rapidement. Mais lui, pour le coup, par rapport à l'autre, par rapport à Jorc, son niveau de performance n'a jamais baissé. Il a même été très très bon. Toujours fidèle à lui. Ouais. Après, il est bon, oui, quelques conneries. Après, Djikou a tout intérêt à réussir les prochains mois au Racing pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, et s'il veut signer gratuitement quelque part en janvier. Oui, contre. Enfin, s'il signe gratuitement en janvier, c'est déjà pour la. C'est un pré-contrat. Mais du coup, il a tout intérêt à être top contrat, Djikou. En fin de contrat en juin, oui. Oui, en juin. Et donc en janvier, il faut signer un pré-contrat pour la saison d'après. Oui. Faut pas se dire, il faut signer gratuitement en janvier. Il est libre de signer en janvier pour la fin de janvier. Il a le droit de. Comment qu'un club rachète ces 6 derniers mois. Exact. Kenny Lala, exactement. Mais contrairement à Jorc, Djikou a déjà quitté plusieurs fois des clubs. Je pense qu'il a plus l'habitude, plus la Coupe du Monde. Je pense qu'il est plus habitué à ces situations-là qu'un meilleur marabout. Oui, et puis le contexte de départ n'est pas tout à fait le même, parce qu'un joueur qui marque pas depuis quelques temps, il est quand même pas tout à fait dans le même état d'esprit, quoi. Ouais. Voilà. Et le deuxième, donc Ajorc, qui, bon, pour le coup, tout le monde a vu qu'il était sur le départ. Je pense que son attitude s'en est quand même ressenti. Ouais, mais ça, je pense que c'est involontaire quand même. Enfin, j'ai entendu qu'il a craché sur un supporter. Je sais pas si c'est vrai. Mais on peut comprendre qu'il est perturbé, effectivement, par rapport à un Djikou qui est très pro, qui est très adapté au foot d'aujourd'hui. Ajorc, c'est un mec qui vient de Ligue 2. Quand on l'a recruté, il venait de Ligue 2. C'est un mec qui a l'air assez simple, assez sympa. On peut comprendre qu'il est perturbé. Non, mais c'est le mec, t'as envie d'aller boire des bières chez lui, manger un rougail saucisse. On parle de ce qu'il fait Il boit de la dodo. La dodo, elle est là. Et donc, du coup, donc on va passer sur les péripéties du mercato d'Ajorc. On a raté ça, dit quand même. Il est signé en Algérie. Ouais. Non, juste pour les premiers, je crois. Est-ce que Ludovic Ajorc peut redevenir le goléador du 21e siècle, comme les DNA l'appellent, ou est-ce qu'il va traîner son spleen? Ce qui est certain, c'est que son meilleur match, et globalement le meilleur du Racing, c'est le dimanche, quand le mercato est fini. Hein. Donc un début de saison, on pourrait titrer Racing un début de saison plombé par le mercato. Oui. Mais à Stéphane en parle d'ailleurs. Hein. Mais comme l'an dernier, sauf que c'était pas sur les arrivées, c'est sur les départs. Hein. L'incertitude. Et pourtant, on avait toutes les cartes en main, tous les voyants étaient au vert. Mais c'est dans l'ADN du club. L'église était au milieu. Au milieu du village. Mais je pense que le Racing peut, c'est le genre de club qui peut pâtir d'un mercato tardif comme ça, parce que les joueurs qui sont chassés sont pas forcément les joueurs en tête de gondole dans les clubs. Et puis en même temps, c'est des mecs qui ont peut-être envie aussi de partir pour signer le contrat de leur vie. Donc l'un dans l'autre, dans le troisième, ça fait qu'à mon avis, il y a des mecs pas vraiment concernés. Je pense qu'on peut citer aussi Diallo, qui était potentiellement sur le départ, qui... Oui, pour lequel il y a une vraie offre aussi. Qui pour le coup marque des buts, hein, mais on le sent pas totalement épanoui non plus. Je veux dire, il y avait Bellegarde aussi, à un moment donné, on parlait d'un potentiel départ. Il y avait Sissoko, une rumeur Milan AC. Quoi, Milan AC, Sissoko? Ouais. Du rugby. Mais Milan AC de quoi? Du rugby. Non, Sissoko, c'est un bon joueur. Non, mais ouais, j'aime bien. Mais donc effectivement, la conclusion, c'est que Sissoko de la dernière saison de l'OR, c'était pas. Mais même le Sissoko des 6 derniers mois, c'était compliqué. Il perd sa place, il joue quasiment plus. Enfin, c'est pas le sujet. Donc un mercato difficile à digérer pour un club comme Racing qui subit plus qu'il ne n'agit, puisque tout est conditionné à des départs. Alors juste aussi sur le mercato, c'est aussi un des gros changements un peu d'approche de certains clubs, notamment en France, c'est que maintenant, un bon joueur de 27-28 ans, t'as l'impression qu'il vaut plus grand-chose et qu'on préfère mettre des 20-25 millions sur un joueur de 22 ans en espérant ouais. qu'il le revende. Quand tu dis « on », c'est souvent des clubs anglais. Non, mais des clubs français. En général, c'est, ouais. Maintenant, c'est des clubs français. Je prends l'exemple de Rennes, par exemple. Il devait refaire toute une charnière centrale. Tu peux te dire, tu essaies de prendre au moins une valeur sûre. Bah non, ils vont recruter un Théâtre qui est un bon joueur, mais qui est un joueur de défense à 3, alors qu'il joue à une défense à 2 centraux. Ils le mettent 25 millions et ils prennent un Anglais Rondon qui est pas terrible non plus. Il met, c'est un prêt à option. Mais du coup, il se retrouve avec une charnière inexpérimentée en Ligue 1 qui fait des boulettes. Eh ben, tant mieux, c'est des cons. Oui, mais c'est symptomatique aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, le niveau intrinsèque d'un joueur aujourd'hui, ça peut prendre moins en moins d'importance dans le prix de transfert. Ah, tu recrutes plus pour un niveau, tu recrutes pour un potentiel. Et donc l'âge, la durée de contrat, ça va. C'est la financiarisation du football. Oui. Bah, tu regardes. Merci Sandrine. On va faire 2 heures là-dessus d'ailleurs. Un club comme Reims, par exemple, c'est un mercato football manager. Tu recrutes que des joueurs de moins de 25 ans. Alors, dans les arrêts de jeu. Alors, on va rapidement vous demander un pronostic sur Clermont, et ensuite il y aura le quiz de Calcio 90. Oui, bien sûr, il n'est pas parti au mercato. Il y a un quiz. Donc voilà, Clermont. Est-ce que c'est le début de la saison? Comme contre Reims. Oui. 3-0, doublé d'Ajor qui est but de. Ajor contre son ancien club. Voilà. Ouais. Le syndrome de l'ancien. Comme ça marche avec le Racing. Donc Ajor contre son camp. Donc est-ce que tout le monde est optimiste? Ah ouais, non, mais là on est obligé d'être optimiste. En plus, c'est à 13h le match, donc. Il n'y a pas Gonalon. Hein. Oui, Gonalon, c'est clairement. Ah, mais il joue plus au foot. Là. Ah, si, il a marqué 2-0. Mais on cache des choses. Ça, faut jouer à du match. Non, mais on gagne. On gagne, on lance la saison. Largement, en plus. Ouais, je pense aussi. Un petit 4-1. Bon, moi, je dirais 1-0, pénalty raté de Gamero. Et c'est Ajor qui la reprend. Donc, voilà, je mets optimisme. Optimisme. De l'humaison. On ira les pronostics à la prochaine émission. Voilà. Maintenant, le quiz de Calcio 90. Le quiz, oui. Qui vous a manqué, j'en suis sûr. C'était écrit, hein. Calcio 90. Mais avant. Optimiste. 5. Petit 5. Pronostic. Oui, 51. 51. Oui, alors. Ouais. Ça, c'est la technique du journalisme. La technique. C'est toujours pareil, hein. C'est un quiz avec quelques questions de merde. Et puis à la fin, le vrai survivor. Hein. Celui qui comprend. Tu sais que tu as face à toi deux des membres de l'équipe vainqueur du quiz Racing Database. C'est pour ça que j'en ai fait un copieux. On peut juste signaler que Racing Stube a retrouvé sa couronne. Mais c'est parce que la Fédé n'était pas là. Si. Non, la Fédé n'était pas là. Bon, après, sur 6 quiz Racing Database, Racing Stube, on a gagné 5. Non, mais ça c'était truqué, mais là le dernier, il y avait tout le monde. Bah non, ils étaient quand même tenants du titre. Voilà, un titre. Après, il y en a pas eu. Et après, les L'an prochain, on fera 2 équipes Racing Stube, on fera 2 premier et deuxième. Il y aura la 1 et la 2. Voilà. Comme on fout, hein. Et puis nous, ils iront dans la 2. Les PG 06, pourquoi ils sont pas invités à ce truc? Le quiz. Bon, alors, question de rapidité pour commencer. Lors du dernier Strasbourg. Il n'y a pas de thème? Si, le thème, c'est le thème Ben Arfa. Non, c'est Strasbourg-Clermont. L'affiche, quoi. L'affiche. 13h, les Chinois. On a gagné l'an dernier. Justement, qui était le buteur de ce match? Non. Non, pas que. Oh là là, oh là. Gamero? Non. C'était fin janvier. Et non, Non. C'était le dernier match de la saison. Du coup, c'était en décembre. Du coup? Non. Attends, donc à un moment donné, les gars, toujours pas. Guénard, Non. Sissoko? Attends, mais c'était quand? Ouais, c'est quand même un kick. C'était en mai, c'était le dernier match à la maison. La marche. Matsels! Ah, la maison. Oui, c'est le. Ah oui, c'est Strasbourg-Clermont. Ah, Motiba. Clermont-Strasbourg. Impossible. C'est pour ça. Waris. Oh putain. C'est quand même inquiétant, là. Les gars, fichez les. Au revoir. C'est bon, c'est pas réforfait. Vous avez tout gagné, c'est bon. Même si. Non, il y a pas. Attends, Perrin, Lucas Perrin. Mais non. Gilbert. Mais non. Gilbert. Lienard. Toujours pas. Salim Arash. Oui, on a gagné 1-0, c'était un match de merde. On gagnait tout 1-0. Ouais, Julien Stéphan. Ce match. Avant Marseille. Ah, ce qui est inquiétant, c'est que vous avez tous cité ce fin joueur, quand même. Thomasson. Ah, mais oui. Thomasson, mais oui, de la tête. Ah mais oui, c'est une tête d'assez loin en plus. Mais oui, en plus. Oui, ah oui, c'est un centre et une tête lobée comme ça. Oui, oui, non, oui. Non, c'était... Si, non, c'était une tête lobée. Avant ce match, avant le match de la saison dernière. Combien de fois on a joué ça? Pas combien de fois, mais en quelle année étaient les deux derniers Strasbourg-Clermont? En Ligue 2? Bah, en 2007. Ah, c'est pas une année, ça. En 2007, ah, ça. Ah, 2017, pardon. 2017, oui, bonne réponse. Avec un doublé de la passe des cibles d'Ajorque. Enfin, du Gimon et de passe des d'Ajorque. Ouais, mais alors celle d'avant. Et contre nous. Et celle d'avant, c'était avec Furon en 2009? Ouais. Non. Non, parce que. Jamais en 2010. Ils étaient en national. Jamais en 2010, ouais, bonne réponse. Et quel était le score de ce match? Jamais? 0-0. Non. Lequel à la Méno? On a perdu. À la Méno, c'est toujours à la Méno, hein. C'est que des Strasbourg-Clermont. Bah, c'était 2-0 avec, en 2017, pour Clermont. 1-0 pour Clermont. Mais non, mais là, on parle de... Ça fait moins un point, hein. Ouais, on perd 3-0. Attends, là-bas, l'arbitre a toujours raison. On gagne 1-0? Un partout. Qui a marqué? Justement, je peux pas, parce qu'après... Fauvergue. À part Ajorque, dans ces deux matchs, combien de joueurs ont joué pour le Racing? Combien de joueurs de Clermont, pardon, ont joué pour le Racing? Aucun. Dans toute l'histoire, quand même. Ça dit? Non, sur les deux derniers matchs. Ah, sur les deux derniers Strasbourg-Clermont de 2007 et de 2010. Aucun. Qui ont joué après? Avant. Avant. Et Eugène Ekobo? Bonne réponse. Oh, Eugène Ekobo en 2010 a joué. Ahmed Kantari? Non, il n'était pas. Deuxième est très dur à trouver, il vaut 3 points. C'est un petit indice? Ouais, non, non, non. Il a joué au Racing. Ah, merci. Commence par un R. Rentaria? Non, n'importe quoi. Roberto Carlos. Stéphane Rosa. Non, c'est un peu vieux. Rivieran. Ah, c'est Rivieran. Oui, bien sûr. Qui a pas arrêté très tôt. Qui est conseiller en gestion. Et dernière question. Du coup, côté Clermont, quel joueur jouait en 2010 qui après a été champion d'Italie et champion d'Allemagne? Benatia. Bonne réponse, ouais. Mmh. Benatia a joué ce match. À l'époque, je faisais Clermont sur FIFA. Ah, c'est pour ça, les maillots, tout ça. Bah, plus les notes, mais... Ouais, notes. Benatia, ouais, qui a joué Benatia. Ce match. Et donc, maintenant, c'est un quiz absolument... Enfin... Démentiel. Les joueurs du Racing qui ont joué en 2017 et en 2010. Deux matchs, Strasbourg-Clermont. Les joueurs qui ont... Ah, mais pas les deux en même temps. Hein. Ah si, les deux en même temps. Qui était là en 2010, en 2017? Aux deux matchs? Voilà. En même temps? Non, mais non, en même temps. Mais c'est tout le monde. Ah, oui, tous les pas joueurs, pas que les... Oui, non. Non, les joueurs du Racing, pardon, excusez-moi. Je fais des joueurs qui jouent. Parce que non, les joueurs du Racing, il y a 28 joueurs, du coup, qui ont joué 2010 et 2017. Qui commence? Putain, merde. Eh ben, qui va commencer? C'est Gigas qui va commencer. D'accord. Alors moi, je dirais Renaud Cohen. Non, ça c'était 2007, mais 2009. Ah merde, oui, ouais, c'est Jean Lopez. Non, c'est... Mais attends, j'ai dû additionner. Qu'est-ce qui jouait en... Additionné, t'en as 14 qui ont joué en 2010. 14 et 14. Et 14. Ouais. Donc y a pas quoi, là. Bah non, oui, parce que effectivement, je suis sur le match de Furlan, mais c'est... Oui, c'est ça, il était sur Furlan, il a pas compris. Furlan, Auxerre, etc. Merde, mais c'est ce que ça... Ah, on y a trop dit. Qui jouait en Ligue 2? Respectez l'auditeur. Oui, alors, tout à fait, respect l'auditeur... À toi, Luc. Je vais dire Matsels. Non, il était 2007. Mais en fait, il donne combien de mauvaises réponses en... Non, bouge-moi, t'as utilisé ta vie, Guillaume. Ah, je vais dire Jérémy Grimm. Jérémy Grimm, bonne réponse, effectivement. On était là en 2017. Ouais, on m'a fait un Bauken sur 2017. Ah, Bauken, c'est une valeur sûre en général. Il est rentré, hein, comme la chance. Je ne dirais pas qu'il a remplacé, mais pas Grimm. À tort. Nicolas Fauvergue? Nicolas Fauvergue, un joueur l'a remplacé, je donnerai pas son nom. Moi j'ai une vie. Mais t'as une vie, t'as une vie. Ah, j'ai une vie. Ukidja. Ukidja, bonne réponse, effectivement. Toi tu dis, mais qui savait vous noter les trucs? Blayak, mais oui, il est rentré à la place de. Je ne dois pas. Ah non. Ah non, Bauken est rentré aussi. Ils ont des remplaçants, hein, quand même. Ah oui, merde, comment il s'appelait? Gonçalves? Gonçalves, bonne réponse, hein, effectivement. Marcos. Ouais, 14, c'est Sandris qui donne quelques mecs à la fin. Ouais, 2009, il était déjà parti. Il était là. Il est encore en début d'été en commission nationale. C'était en hiver. Ah, il était peut-être blessé en hiver. Peut-être pas envie, hein. Eh non, mauvaise réponse, il était pas. Non. J'avais gardé mon arme secrète, mais tu vas dégainer le fils. Bah oui. Ça, c'était les trucs que tu disais. Il y a du lourd, hein, effectivement. Oui, je sais. Il y a du très lourd, mais non. Il y a un joueur qui passe tout le temps sur cette époque-là. Ouais, je pense, ouais. Guigues, ouais. À toi. Émile Gargorov. Émile Gargorov, c'est une vraie et bonne réponse. Putain, t'es quoi Attends, en 2010, on était... Ah oui, t'étudies... C'était Janin, c'était Janin. Alors, 2010, on est en Gonçalves, ça a été... Bah, Liénard. Gonçalves, ça a été Liénard, bonne réponse, hein, effectivement. Ça continue. De l'autre côté, c'était... Ouais, peut-être Marester, non? Marester, bonne réponse, ouais. Effectivement. Si t'es dans cette émission, Marester. Hein. Pierre Gabriel, du coup, n'a pas joué. Hein. Alors, est-ce que je prends le risque ou est-ce que j'assure? Vous deux, vous avez plus de vie. Moi, je prends les risques. Hein. Fares Bramia. Fares Bramia, bonne réponse. Il a remplacé Gargarov. Gargarov, effectivement. Merde, qu'est-ce qui jouait à cette époque? Donc 2017. Ouais, et 2018. Et je te donne un indice, c'était en février les deux matchs. J'en ai aucun souvenir. Mais je veux dire, il y en a aucun qu'on gagne. Hein. C'est clairement, c'est un peu une bête noire de plus. Hein. Bon, je pourrais en dire un, hein, que j'ai volé chez Book, mais je vais pas le faire. Ah vas-y, hein, je m'en fous. En plus, ce jeu, il est faux. T'es le gardien 2009-2010. Mais oui, mais en fait, j'ai oublié son nom. Bah, quand même. Mais bah, en son nom, ça suffira. Non, ouais. Non, mais j'ai oublié. Mais en fait, je cherche, je vois sa tête, mais il me dit bonjour. Et, mais je sais plus. Et c'est donc 2h30 d'émission. Ouais, voilà, non. Alors, pour faire avancer l'émission, hein, je vais dire Guillaume Lacour. C'est la solution de facilité. J'ai heureusement volé. Guillaume Lacour, c'est une belle réponse. Ça a été dur à trouver, hein, vraiment. Non, mais c'est pas lui que je cherchais, mais j'ai peut-être trouvé le nom de... Putain, j'ai un nom. Bouclon. Bah, CK. CK, bonne réponse. Capitaine, ça compte double, c'est une vie. Voilà. Guillaume Lacour, ouais, Guillaume Lacour aussi capitaine, c'est une autre vie, effectivement. Quoi, tu donnes une vie à Guillaume, c'est bon. Allez, c'est en 2017. Peut-être Matouti? Matouti, c'est pas dedans. Ah, c'est pas grave, j'ai encore une vie. Ouais, bah oui. Moi, je reste dans le panache. Steven Pelé. Oh là là, Steven Pelé, il a pas joué ce match. Ah là là là. Voilà, attends, on commence à monter. Ouais. Il n'est toujours pas le nom du gardien. Mais oui, non, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à le trouver. Il est pas très loin du Racing aujourd'hui. Il y en a qui ont été cités, hein, quand même. Aujourd'hui, pendant l'émission, ouais. Pendant l'émission. Il y en a au moins. Ouais, je vais tenter Felipe Saad alors. Felipe Saad, il était pas là non plus. Ah. Non. Qui est blessé. Ah, ouais, non. Ah. C'est nul, hein. Ça fout l'orage, hein, ces petits. Le mec blessé juste pour le coup, juste pour. Ouais, je vais dire Boutaïb. Boutaïb, non, il était à la Cannes, je crois. Non, ah oui, c'est vrai. On avait dit plus que 3 vies pour beaucoup de moins, si on avait donc 4. Derrière Mangan, 2017, non? Mangan, non plus, oh là là, c'est en train de s'effondrer. C'est en Ligue 1. Mangan, non, il est aussi en Ligue 2, mais il était pas là. Ah bon, t'es en Ligue 2? Ouais, il était en Ligue 2, Mangan. Il marque à la fin, les derniers matchs. C'est entre vous deux. Ah oui, c'est vrai qu'il met la tête. J'ai encore une vie? Alors, est-ce que t'as encore une vie? Oui, t'avais encore une vie. Moi, je vais tenter un Stéphane Cassard. Stéphane Cassard, ouais, bonne réponse. Ah, mais du coup, je pense pas à lui. Marie, personne. Oui, c'est ça. Gürtner, c'était que la saison d'après. Ouais, voilà. C'était lui. C'est vrai? Sachant que Kukidja et Cassard ont été, pardon, ont été c'est dit. Les deux. Ouais. Bizarrement, hein, l'équipe de 2010, qui est quand même une des meilleures de l'histoire du Racing. Ah, je reste que sur 2010, moi. C'est l'équipe qui est... Ouais, 2017, c'est trop facile pour toi. Je m'en souviens plus. Mais moi, j'ai du mal, 2016. Ouais, moi, je sèche aussi. Ah ouais, Boutaïb. Toujours ah oui, pas. T'avais dit Boutaïb. Le tour d'avant, il était pas... Est-ce qu'il y a des joueurs obscurs encore en 2010? C'est autour ouais, de ouais, il y en a deux. Franchement, il y a l'un ou l'autre, je me souvenais plus vraiment. Ouais, alors, c'est Gigas, toi? Ouais. Mais si t'as une idée, je te donne. On est tous morts, mais on continue. Ah, mais... Non, bon, il a 3 vies. Hein, je suis pas mort. Je peux jouer encore. Vas-y, mais non, vas-y. Bah, je dirais David Lloyd. Ah non, non plus. Ah, je peux que 2 vies, c'est pas grave. Et s'il y avait pas mon rangé, Simon Zenke. Simon Zenke, voilà. Ça vaut une vie. Et en plus, c'est un but, hein. Ah, mais là, c'est... Zenke. Non, s'il y avait pas mon gars, il y avait Bam. Il y avait Koné, s'il n'y avait pas Mangad. Ah non, Koné était en Ligue 2, il était pas en Ligue 1. Alors, je... eh ben, il m'a resté. Mais c'était un joueur de Ligue 2. Ah, il a déjà été. Ah, on a déjà dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'équipe de Ligue 2. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas le Marcio Santos, ou je sais pas quoi. Ça, c'est en National. C'était National, c'était pas encore en Ligue 2. Alors, attends, qu'il serait. Est-ce qu'il y avait Romain Dedo là? Non, il a joué 3 matchs. Il y avait Dos Santos. Ouais, mais... Dos Santos, oui, c'est ouais, 2017, ouais, parce que Lina, je ne pas latéral, il joue plus haut. Ah, donc c'était Arnaud Dos Santos. Laurent Dos Santos, ouais. Qui était sans club, qui était avec RSP. Qui a signé à Villefranche. Je me souviens plus que tu joues au foot. Mais champion de Ligue 2. Granic, du coup. Granic, il a bien joué, Granic. En 2017, on est en entier, là, quasiment, non? Non, il manque 4 joueurs. 4 joueurs, quand même. Alors, il y en a un qu'on a évoqué pendant l'émission, quand même. Pendant l'émission. Le joueur préféré de Rakma. Ah, et ça, c'est vrai. Ça, c'est que, effectivement. Ouais. La perle. Il manque mon préféré aussi, hein, quand même. Déçu, vous l'avez pas trouvé. J'avais la même idée. La connaît, n'est pas là. Ah non, Jean-Yves Daoulou. Mais non, mieux que ça. Jean-Yves, il était là quand même, non? Non, il était pas là à ce match aussi. Vincent Noguera, elle a joué un match. Ah, on avait tourné cette équipe. Ah oui, Vincent Noguera, non plus. Jonas Martin, mais il a pas joué Martin. Mais non, il est en Ligue 17, c'est encore là, maintenant, je suis con. Qu'est-ce qui est. Ben, Blayac, moi, j'ai dit. Par contre, sur 2010, la défense. Est-ce qu'il y avait Yacine Bézaz en 2010? Non. Ah, sinon, non, c'était l'année d'avant. Romain Gasly, quand on avait Maillot Dugulas, le ciel. Quentin Auton. Gasly, non, je suis pas bon là, c'est pas la bonne personne. Non. Non, c'était avant. Gasly, c'est des. Non, Gasly, non. Il était genre Thaïlande. Pour jouer au foot, il fait ce qu'il veut. Alors en 2010, concrètement, le milieu. Derrière, vous n'avez aucun défenseur quand même de 2010. Balakou, j'ai vu un peu qui était balle. Pierre Ducrot. Non, Pierre Ducrot. Ah non, il était parti. Célési, non. Non plus, c'était sur Ligue 1. Qui est-ce qu'on défense tout ça? Non, Ducrot a joué une saison en Ligue 1. Un joueur qui est parti et qui est revenu. Belaïd, Johansson. Non plus. Non, Belaïd était parti en janvier. Oh là là. Un pote Aliénor. Grim, non plus. Pacho Donzo. Non, mais dans le même temps. Anoro. Eh oui, Sikimi, bien sûr. Et il y a tellement de potes, Yenard. C'est ça, c'était trop sympa. Noro, non, bah non, Noro. Voilà. C'est l'année d'après. Alors, oui, Sikimi, en défense centrale. Cette saison, on est une équipe de merde, machin. En défense centrale, il y a un. Ah, Mamadouba. Non plus. En défense centrale, en 2017, il y a un joueur qui joue encore en Ligue 1. Rentable? Non. Qui joue encore Ligue 1 maintenant? En 2017, ouais, de l'équipe de 2017. Salmier, ouais. Ah ouais, c'est bien. Et vous n'avez quand même pas trouvé mon préféré, toujours. La déception. Il joue toujours au foot. Enfin, il essaye. Et c'est quoi comme poste? Arrière. Ah bah, Rester, mais... Endur. Ah, on l'aime tous, Endur. Alors, 2010, il y a un milieu qui était revenu au Racing. Il y a trois derrière, Rodrigo. Il y a un tireur de pénalty, quand même. Blaise de Carvalho. Bah oui. Basile. Alors, il vous manque... Ah non, en 2017, il manque encore un attaquant. Kitter. Non, 2017. Ah, merde, c'était avec Gilbert. Ah non, 2007, pardon. En 2010, ça rentre? Ah non, c'était avec Gilbert. C'était avec Gilbert. 2010, alors il y a un défenseur, moi je me souvenais plus du tout de lui. On a terminé ou Château? Ville Château, ouais. Non, Château, c'est un assassin. C'est après, c'est un après, ça. Un défenseur. Arnaud Maire. Mais oui, Arnaud Maire. L'arrière droit, qui a joué à Sochaux. Pichot? La Pichot. À gauche, formé au Racing. C'était pas au départ. Non, c'était pas. Ah non, Fanchon. Alors, un milieu défensif. Prêté par Sedan. Albert Banning. Mais oui. Et en 2017, Baptiste Guillaume. Oh là là. Bon, de toute façon, c'est bon, bah, de toute façon, Bouknon avec 15 vies. Non, Bouknon. Je pense que tout le monde a gagné. Surtout a gagné. Surtout le Racing. Surtout le Racing a gagné. Et Albert Banning, surtout. Voilà, ben, c'est sur ce magnifique quiz bricolage que nous souhaitons un bon match contre Clermont et surtout une belle. Enfin, souvent, on s'en fout du match. Une victoire. Un bon apéro avant. Et pendant, parce que c'est à 13h. Et après. Parce qu'il faudra fêter le succès. Et il faudra aller à la SL Roberto pour la, la réserve du Racing. Alors, on coûte tout des prix de la buvette pour attirer les gens. Le picon est gratuit. Le picon. Premier picon offert. Et ensuite, la bière est à payer. Le rosé est à 1 euro. C'est là où on peut faire le test, parce qu'on m'a, dit qu'il le rosé blanc. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui écoutent Radio Shtoub jusqu'au bout? Voilà, on va dire, si tu as écouté Radio Shtoub jusqu'au bout et que tu vas voir le match à Roland Roberto et que tu connais à tort, et tu cries Albert Banning, eh ben il te payera un peu. Bon, après, je pense, vu le temps qu'on a mis, je pense que certains ont refait l'équipe de 92. Hein, voilà, si quelqu'un crie Albert Banning vraiment au stade du Portales, pendant la réserve, je lui offre un picon. Voilà. Ah, ça, c'est et une millier de personnes. Plus, alors là... Et surtout, n'oublions pas de crier aussi ensemble. Allez, il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.